Bonsoir, bonsoir, bonsoir chez vous, bienvenue dans l'arrêt d'Argus Sport sur Radio Arc-en-Ciel. Il est 20h30, tout pile, ravi de vous retrouver en ce lundi 29 avril. On va avoir encore beaucoup de choses à se dire ce soir, un bon débrief qui va arriver dans quelques minutes avec les différentes chroniques, avec du football. On va parler de la journée de Ligue 1 du week-end, on va revenir aussi sur les demi-finales des Coupes d'Europe cette semaine. Gros débrief tout à l'heure et puis aussi ce qui s'est passé dans nos championnats à l'étranger, championnats européens. Encore beaucoup de choses ce week-end à raconter. On aura les directs, on va aussi annoncer dans quelques instants. On aura du tennis Masters 1000 de Madrid. On est au 8e de finale. Rafael Nadal toujours présent, toujours engagé dans ce tournoi, qualifié pour les 8e de finale. Sa victoire en 3 manches tout à l'heure, on y reviendra tout à l'heure, de son parcours jusqu'à maintenant. Et puis on aura aussi le tournoi de Madrid chez les dames, avec d'ailleurs quelques matchs en direct. On aura aussi en débrief ce soir du rugby, avec la suite et bientôt fin de la saison régulière en top 14. On en sait un petit peu plus sur pour l'instant les premiers qualifiés pour les playoffs, fin de parcours en revanche pour l'équipe de France féminine dans le 6 Nations, pas par une victoire malheureusement, par une défaite, et qui va manquer le titre et le grand chelem dans le tournoi des 6 Nations, battu largement par les Anglaises. On y reviendra aussi tout à l'heure avec ce débrief. Donc rugby, du basket aussi, avec la belle victoire importante de l'OLB ce week-end à Évreux après 3 prolongations, et qui du coup se positionne bien maintenant pour aller chercher peut-être une place sur le podium sur cette fin de saison régulière. On y reviendra tout à l'heure. Et puis l'Euroleague aussi, avec bien sûr Monaco. Monaco toujours là, toujours en vie dans ces quarts de finale de l'Euroleague, puisque après avoir perdu la première manche de ces quarts de finale, eh bien Monaco est revenu dans la course et donc va jouer désormais cette semaine le troisième match de ces quarts de finale, pour essayer de prendre enfin l'avantage dans cette série. L'NBA aussi, on fera un point sur bien sûr les playoffs qui se poursuivent. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Et puis on démarrera avec un point Moto GP avec le Grand Prix hier de Jerez en Espagne, avec la victoire de Francesco Bagnaia notamment. Voilà le programme de la soirée. Les directs aussi, on ne les oublie pas. En Ligue 2, ce sera un match important pour d'ailleurs les deux équipes, pour Dunkerque, qui est pour le moment 16e, qui doit absolument prendre des points ce soir pour tenter d'aller chercher le maintien, et puis Auxerre de l'autre côté qui se déplacera donc à Dunkerque pour tenter de rester, alors qui restera premier quoi qu'il arrive ce soir, mais qui pourrait prendre à nouveau 4 points d'avance sur la deuxième place et distancer Angers aussi 3e. Donc voilà l'enjeu du week-end de ce soir pour ces deux équipes. En Espagne aussi, on aura la 33e journée de Liga entre le FC Barcelone et Valence. Voilà pour le Barça, l'occasion de reprendre la deuxième place à Gérone, perdue ce week-end. Pour Valence, bien encore peut-être encore un petit espoir d'aller chercher l'Europe. Il faudra pour ça absolument faire un beau match ce soir. Ce sera donc à 21h. Et puis donc pour Dunkerque aussi à 20h45, donc dans maintenant 10 minutes. Et le 20h45 aussi, c'est l'Italie au programme, avec 34e journée de Serie A entre le Genoa et Cagliari, voilà, entre le 12e et le 14e de Serie A. Et puis un match aussi à 21h en national, c'est Nîmes qui reçoit le Red Star, déjà promu. Et en tout cas pour le Red Star, pas d'enjeu, puisque la remontée est assurée. Le titre aussi quasiment puisqu'il restera 3 matchs et il y a encore 9 points d'avance, donc c'est quasiment fait pour aussi le titre dans cette fin de championnat. Et puis en revanche, par contre, gros enjeu pour Nîmes, qui doit absolument gagner aussi pour ressortir de cette zone rouge. On rappelle 6 descentes, on en parlera avec l'USO aussi tout à l'heure, qui a pris un point aussi important, on en parlera, à Versailles, et qui reste encore sous la menace des clubs relégables. On en parle tout à l'heure. Et puis, bien sûr, avec nous dans une demi-heure, Hugo, pour le débrief foot. Donc, à partir de 21h, pour le grand débrief football, il y a plein de choses. Et on parlerait bien sûr de la Coupe d'Europe, Ligue des Champions, Ligue Europa. Donc, pas mal de choses. Et puis, du son, comme d'habitude, vous choisissez sur Facebook, l'arrêt d'Arc du Sport, pour choisir les sons de ce soir. Et puis, bien entendu, vous pouvez aussi nous joindre 0238 434 800, le standard, pour réagir en direct sur toute l'actualité du week-end. Voilà, donc le programme de la soirée, plein de choses, je vous le disais. On commence avec une première pause et on se retrouve juste après pour la première partie de l'émission. On écoute ce remix de Hot Stepper, c'est Trinix qu'on écoute à l'instant, à tout de suite. Avec ce remix de Hot Stepper à l'instant pour la première pause de cette soirée. Et tout de suite, eh bien, on est de retour pour évoquer le débrief. D'abord, le débrief MotoGP du week-end avec le Grand Prix de Jerez en Espagne avec la victoire de l'Italien Francesco Bagnaia qui s'est imposé dans un duel, un grand duel avec Marc Marquez qui revient très très fort, hein, l'Espagnol Marc Marquez, hein, qui fait un sacré comeback et qui était presque vainqueur encore une fois sur ce Grand Prix, impressionnant en tout cas. Et voilà, il a enfin normalement, on l'espère, retrouvé son meilleur niveau, mais battu donc pour seulement 3 dixièmes par l'Italien Bagnaia. Troisième place pour l'Italien Bettecci, l'autre Italien Alex Marquez. Eh bien, quatrième, Bastianini, cinquième, les Français loin, Quartararo, quinzième, et Zarco qui a dû abandonner. À noter quand même une belle performance pour Quartararo sur la course sprint, hein, qui avait lieu samedi, qui était sur le podium, malheureusement, qui a été déclassé suite à un petit souci au niveau de sa pression de pneus, et donc il a dû, il a glissé un petit peu au classement pour terminer cinquième de ce sprint. Le classement nous donne pour le moment en tête Jorge Martin, l'Espagnol, 32e, Bagnaia avec 75 points, Bastianini est 3e, 70 points, Marquez pas très loin, 60 points, il est vraiment encore dans le coup pour revenir vraiment en grosse forme cette saison. Ce dimanche, pas de Grand Prix, sera la pause, et puis retour dans 15 jours avec le Grand Prix de France, voilà, le fameux Grand Prix de France, ce sera le 12 mai sur le circuit du Mans, donc ce sera dans 15 jours. Et puis en revanche, retour de la Formule 1 ce week-end après un week-end sans course, ce sera le Grand Prix de Miami pour la deuxième saison consécutive, ce Grand Prix qui est dans le calendrier, le Grand Prix de Miami à partir de dimanche donc, et puis évidemment comme d'habitude le week-end qui précède avec les qualifs bien entendu. Voilà le programme de ce week-end en Formule 1. Tout à fait autre chose, on l'avait pas évoqué en dans le sommaire, mais du handball avec la très très belle performance de Saran jeudi, qui a été s'imposer à Toulouse. C'est vraiment un exploit à réaliser hein, par le Saran hein, qui est encore hors relégation. On est très content, et puis en revanche Toulouse quatrième place, c'est vraiment une grosse perf, 30-29 la victoire donc de Saran. Une victoire qui est en plus très importante, puisque dans le même temps Créteil a fait là aussi une belle opération en battant vendredi Ivry à l'extérieur, et qui du coup reste au contact de Saran avec un tout petit point toujours de retard. Voilà, il fallait vraiment vraiment gagner pour du coup rester toujours 14e et pas en zone rouge pour l'instant. Donc toujours très serré en bas. Donc Dijon avec 10 points, un petit peu reculé. On a Créteil avec 12 points, Saran 13 points, et puis Ivry du coup qui rentre un petit peu dans cette bataille du maintien avec 14 points, qui va devoir lutter aussi jusqu'au bout. Paris qui s'est imposé enfin hier pour clôturer la journée face à Dunkerque. Donc il reste largement en tête avec 3 points d'avance sur Nantes qui est deuxième, Montpellier troisième, Toulouse, et puis donc en bas voilà, c'est très très serré. Il va rester encore 4 journées la prochaine, donc cette semaine cruciale aussi hein, pour Saran qui recevra Montpellier, très très compliqué encore hein, voilà cette réception. On aura dans le même temps Dijon qui va recevoir le Paris Saint-Germain, et puis la Créteil qui nous intéresse hein. Créteil va recevoir Limoges, Limoges cinquième, donc là pas un match facile non plus. Et puis pour Ivry, ce sera le déplacement à Nîmes qui est cinquième. Donc voilà, grosso modo, tout le monde, toutes les équipes de bas tableau recevront ou en tout cas se déplaceront sur des grands matchs. Donc ça n'aura peut-être pas de grands changements sur cette journée. Mais voilà, il y aura encore derrière trois occasions. Donc Champs-Pour-Rossard en Chambéry ensuite. Il y aura Chartres pour le derby. Et il y aura enfin Ivry pour finir, qui sera peut-être décisif. On espère même qu'il ne sera pas pour Saran et qu'il sera déjà maintenu. Mais en tout cas, ça peut l'être sur ce dernier week-end. Ligue des Champions maintenant avec les quarts de finale. Allez, pour Montpellier, tout va bien. Victoire en plus, large victoire donc à domicile. 39-30 face à Kiel. Le match retour, eh bien, ce sera jeudi à l'extérieur, mais en tout cas une belle avance de 9 buts. Ça paraît en tout cas bien intéressant. Et puis en revanche pour le Paris Saint-Germain qui est complètement passé à côté de son match en recevant le FC Barcelone, défaite 30-22. Donc là 8 buts de retard, ça va être très compliqué à l'extérieur en plus pour faire le retard. Donc Paris qui pourrait s'arrêter dès les quarts de finale. Sur cette édition. Et puis chez les dames, eh bien Metz qui a fait la belle opération aussi en allant gagner à Bucarest 27-24, qui tentera de conforter cette avance. Ce sera dimanche, cette rencontre samedi soir plutôt, pour essayer de rester devant et aller chercher donc les demi-finales de cette Ligue des Champions. Voilà donc le point handball, donc ça rend important, donc qui va recevoir, allez-y, en tout cas belle affiche hein, face à Montpellier. Ça se passera au Palais des Sports, ce sera dimanche à 17h, cette belle affiche donc pour Saran Loiret Handball. On va poursuivre désormais, alors qu'avant de clôturer on connaît les 23 joueurs hein, convoqués par le sélectionneur d'équipe de France masculine Guillaume Gilles, donc qui a dévoilé 23 joueurs, une liste de 23 joueurs pour partir en stage, un stage qui aura lieu en Corse, avant ensuite de convoquer un groupe qui sera plus resserré pour le match amical qui aura lieu face aux États-Unis, qui aura lieu le 11 mai prochain à Lyon. Voilà, donc pour le moment 23 jours, donc pas de surprise hein, pour aller affronter les États-Unis. Donc il y aura le stage qui démarra le 6 mai, et donc clôture du stage face aux États-Unis le 11 à Lyon. Voilà, donc il y aura encore évidemment d'autres stages d'ici là, d'ici les JO bien sûr, pour donc se préparer au mieux pour cet événement planétaire. Voilà, et donc les États-Unis, voilà une équipe normalement largement à la portée des Bleus. Et ensuite il y aura un dernier rendez-vous avant le début du rassemblement qui aura lieu, le dernier rassemblement le 20 juin. Voilà pour le programme de l'équipe de France masculine pour cette cette dernière ligne droite de préparation pour les jeux. On poursuit donc avec un petit mot tiens d'athlétisme avant de parler de basket, puisque avait lieu l'étape de Diamond League, l'étape donc de Chouchou, donc qui avait lieu ce week-end. Pour c'est en Chine, hein, Suzhou, donc l'étape chinoise de cette Diamond League, avec une nouvelle victoire pour Armand Duplantis, le Suédois, donc à la perche, qui a passé 6 mètres encore une fois, qui a tenté une nouvelle barre à 6,25 pour chercher un nouveau record du monde. Ça n'est pas passé cette fois, mais en tout cas une nouvelle large victoire pour Duplantis à 6 mètres, plus que jamais, favori pour sa propre succession aux Jeux Olympiques. Voilà, juste pour l'étape qui avait lieu donc ce meeting de la Diamond League. Et puis on aura bien sûr ensuite d'autres étapes. Il y aura Doha, qui aura lieu la semaine prochaine. Et on aura un petit peu plus tard dans l'été Paris, donc le 7 juillet, pour une épreuve à Charletti. Allons-y du côté du basket maintenant avec des enjeux un petit peu partout, en commençant par la Pro B et l'OLB, qui a fait un gros match du côté d'Evreux, très mal classé, hein, 17e. Il a fallu se battre pour s'imposer après 3 prolongations, un score d'NBA, 118 à 112, victoire d'Orléans, important, qui permet de vraiment rester à cette 4e place importante et donc de pouvoir espérer même mieux. Alors pas les 2 premières places, ça c'est déjà joué, mais pourquoi pas la 3e place, c'est celle de Boulazac, qui sera possible puisqu'il reste encore 2 matchs. La prochaine vendredi, Orléans reçoit justement Boulazac, c'est vraiment le match crucial. En cas de victoire, la 3e place serait assurée du coup, mais pour Orléans ce serait vraiment important pour, on le rappelle, pour les playoffs, puisque derrière, ça a une importance assez importante pour, le tirage au sort et savoir qui va recevoir. Donc voilà, et l'enjeu il est là aussi pour cette équipe d'Orléans. Donc Boulazac, il y aura ce match-là qui jouera d'ailleurs déjà demain. Boulazac, hein, qui a un match de retard, donc qui pourrait même en cas de défaite. Qui jouera face à Vichy, hein, qui est deuxième, donc c'est vraiment gros match, 2 gros matchs pour Boulazac, hein. Vichy Clermont qui est deuxième demain, et puis Orléans pour enchaîner samedi. Donc déjà en cas de défaite demain, ce sera vraiment une égalité parfaite avec Orléans, et le match de samedi serait décisif. Donc samedi à 20h Comet Arena, donc superbe affiche pour Orléans, qui clôturera ensuite avec la réception une nouvelle fois, qui va recevoir 2 fois, du coup c'est à l'avantage Aix-Maurienne 15e, donc normalement largement à la portée d'Orléans pour rester donc troisième à ce moment-là, on espère, et avoir un tirage plus abordable pour les playoffs. Les playoffs aussi, il va en être question bientôt en Betclic Elite, avec encore 2 rencontres, 2 journées. Une journée qui aura lieu déjà demain, à la fin de la 32e journée, qui se clôturera donc demain. Et puis ensuite, on enchaînera samedi, dimanche, et la semaine suivante, tous les matchs qui auront lieu le 11 mai pour clôturer. Monaco restera premier, quoi qu'il arrive. Il y aura une bataille pour la 2e place, Paris, l'Asvel ou Bourg-en-Bresse, qui vont se battre. Et après, le top 4, normalement, est connu. On devrait avoir ces 4-là, dans quel ordre on le verra. Mais en tout cas, ça ne devrait plus bouger, a priori, dans cet ordre. En Euroleague, on rappelle le Monaco toujours engagé avec pour l'instant un partout dans la série. On rappelle qu'il faut gagner au moins 3 matchs, hein, donc au meilleur de 5 matchs pour se qualifier. Pour l'instant, donc défaite au premier match, c'était le 24 avril, défaite 95-91 après prolongation. Voilà, Monaco qui a craqué malheureusement dans les derniers instants, mais qui a s'est imposé donc ensuite dans le match 2, 93-88. Et qui va devoir maintenant se déplacer 2 fois, hein, du fait d'avoir perdu ce premier match, eh bien, qui se déplacera 2 fois. Donc mercredi, il y aura le troisième de ces matchs, et vendredi le 4e, avec peut-être d'autres matchs, hein, si ça ne se conclut pas là. Et sinon, peut-être dès vendredi, ça pourrait être terminé. On espère évidemment la qualification de Monaco. Dans les autres matchs, un partout aussi entre Panathinaikos et Maccabi Tel Aviv, même score entre Barça et Olympiakos. Et puis le Real mène 2-0 dans sa série face à Vitoria. Normalement, ça devrait se passer assez bien pour le Real dans ces quarts de finale. Voilà donc mercredi et vendredi, deux matchs importants pour la suite. La suite, et on espère de cette progression de Monaco dans cette compétition. Donc on suivra ça avec attention, bien sûr. Et puis pour terminer avec le basket, la NBA, là, les playoffs, on y est aussi à fond dedans. D'abord à l'Est, pas de qualifiés encore, puisque là c'est très serré entre les Cavaliers, Cleveland et Orlando, deux partout pour le moment. Donc rien n'est joué, prochain match pareil dans la nuit de mardi à mercredi pour le match normal, dans le match 5 donc, pour l'instant. New York mène 3 face à la Philadelphie, Boston mène 2 face à Miami, et puis Indiana mène 3 à Milwaukee. Donc on aura d'ailleurs des matchs qui auront lieu cette nuit. Donc Miami-Boston pour le match 4. Donc là, on n'aura pas de qualifiés à ce moment-là. Et puis, il y a un autre match qui aura lieu. Ce sera dans la conférence Ouest. Alors qu'ici, il y a un qualifié. C'est Minnesota qualifié. Minnesota qui avait terminé 3e, hein, qui est déjà qualifié, puisqu'il a gagné 4-0 face à Phoenix. Qui était... qui était sixième pourtant, mais qui a vraiment pris une leçon, 4-0. Denver se rapproche de la qualification, qui mène 3 face aux Lakers. Les Clippers, pour l'instant, match nul entre les Clippers et Dallas, 2 partout. Et puis Orlando, Oklahoma s'en rapproche de sa qualification, qui mène 3-0 face à New York, face à la Nouvelle-Orléans, pardon, donc 3-0 pour Oklahoma City. Et le match 4 d'ailleurs aura lieu cette nuit à 2h30, donc peut-être Orlando pourrait se qualifier en cas de succès cette nuit face à Nouvelle-Orléans, donc les Pelicans. Ce sera donc cette nuit, et il y aura également Denver Lakers cette nuit à 4h du matin pour le match 5. Donc peut-être, en cas de succès de Denver, la série aussi pourrait s'arrêter ici. Voilà le point dans ce premier tour des playoffs en NBA. On aura un point la semaine prochaine, on aura peut-être d'autres qualifiés, a priori on aura moins un ou deux pour la suite donc de ces playoffs. Les infos en basket. Un mot rapidement de rugby, puisque là aussi les playoffs approchent, hein. Il va rester encore 3-4 journées avant la fin de la saison régulière. Pas de chamboulement en tête, hein, pour le Stade Français et Toulouse. Les deux premières places normalement sont quasiment acquises, hein. Le Stade Français, malgré sa défaite face à Clermont, reste leader, et puis Toulouse qui s'impose et qui revient à 2 points du Stade Français. Ensuite on a Bordeaux-Bègles toujours 3e, le Racing 4e, La Rochelle 5e. Pour l'instant c'est Toulon qui mène la 6e place, et puis encore des espoirs pour Perpignan qui est 7e à 2 points, pour Castres et Pau il va falloir s'arracher, mais c'est encore possible. Et puis pour les autres, Clermont, Lyon, Bayonne, ça c'est trop tard, Montpellier et Oyonnax qui va descendre. En tout cas, Oyonnax, Montpellier qui jouera a priori le barrage, en tout cas qui est en bonne position pour l'instant pour le faire. 23e journée, ça sera donc pas cette semaine, mais la semaine prochaine, parce que cette semaine, retour des Coupes d'Europe avec les demi-finales. Donc un club français engagé en demi-finale, c'est Toulouse qui jouera dimanche, qui recevra, en plus, ça c'est la bonne nouvelle, les Harlequins à 16h. La veille, donc samedi, ce sera place à l'autre demi-finale, Leinster Northampton, donc à 18h30, donc samedi. Et puis autre club français qualifié pour les demi-finales dans la Challenge Cup, c'est bien sûr Clermont qui jouera donc samedi à 13h30, déplacement aux Sharks, les Sud-Africains. Donc ça, ce sera donc à 13h30. Et puis le lendemain, l'autre demi-finale, qui aura lieu aussi samedi, l'autre demi-finale, c'est entre Gloucester et Trévise. Ce sera donc les Italiens, donc ce sera samedi à 16h. Voilà pour connaître les qualifiés pour les finales des Coupes d'Europe. Donc pas de top 14, qui reprendra la semaine prochaine. Voilà, et puis une dernière info en rugby, on le disait en ouverture tout à l'heure, l'équipe de France féminine qui a été battue dans la finale du tour destination face à l'Angleterre pour le titre et pour le grand chelem, qui a encore une fois été largement battu, hein, 42-21. Voilà, finalement, il n'y a pas vraiment de suspense dans ce match. Et donc, bah, pas de grand chelem, pas de victoire. Et une nouvelle victoire, sixième victoire consécutive pour les Anglaises, qui sont évidemment toujours en tête du classement mondial et toujours vraiment au-dessus de tout le monde. Et voilà, maintenant, l'objectif qui va rester la Coupe du Monde 2025 pour les Bleus, les filles, qui restent toujours l'objectif vraiment prioritaire de cette équipe de France féminine. Alors en tout cas, pour la fin de ce tournoi de signation féminin, malheureusement, qui s'est clôturé par une large défaite. Les directs, ça y est, c'est parti, on y revient tout de suite, avant d'enchaîner avec les matchs de 20h45. La Ligue de Dunkerque-Auxerre, important ce match, hein, pour les deux clubs d'ailleurs. 0-0, 10 minutes de jeu. L'autre rencontre qui a démarré aussi, c'est donc entre le Genoa et Cagliari en Italie, 34e journée de Serie A, avec peu d'enjeux. Alors le Genoa qui est quasiment, oui, on peut le dire, qui est normalement sauvé, qui a 10 points d'avance sur la zone rouge, voilà. Et puis en ce moment, sur Cagliari, il y a un peu plus d'enjeux, même s'il y a quand même une petite avance, il faudrait prendre des points quand même, pour s'éviter une fin de championnat à suspense. Et puis dans 5 minutes à peine, ça partira aussi entre le FC Barcelone et Valence en Espagne pour la 33e journée de Liga, et également en National entre Nîmes et Red Star, donc à 21h aussi, début de cette rencontre. Voilà, pour être complet. Puis il y a un autre match qui est lieu en ce moment, c'est en tennis, le 3e tour du tournoi de Madrid, Master 1000 de Madrid, entre Yannick Sinner, qui est d'ailleurs la tête de série numéro 1 du tournoi, puisque Novak Djokovic est absent. Il mène une manche à 0 face au Russe Kotov, et pour l'instant, dans la deuxième manche, un partout. Et un autre match après, entre notre Italien Flavio Coboli, qui affrontera Karen Khachanov. Voilà, et puis sinon, aujourd'hui, les autres matchs, on va d'ailleurs enchaîner avec le tennis, puisque on en parle le troisième tour de ce tournoi. On connaît quelques qualifiés, presque tous d'ailleurs, pour les huitièmes de finale. On le disait, Rafa Nadal, vainqueur d'un match marathon, hein, aujourd'hui, puisqu'il a dû passer par trois manches dans sa rencontre. On rappelle qu'il avait battu Alex de Minaur au deuxième tour, hein, qui d'ailleurs, il a pris sa revanche chez l'Espagnol, puisqu'il avait été battu par l'Australien lors du précédent tournoi. Donc, revanche prise. Et puis sur ce match-là, très long, hein. Plus de 3 heures, il a battu donc Pedro Cachin, l'Uruguayen, pardon. Donc 3 manches, 6-1, 6-7, 6-3. Plus de 3 heures, donc il a vraiment puisé beaucoup dans ses réserves. Il jouera déjà dès demain, en 8e de finale. Il va affronter donc Jiri Leaka, 31e mondial, qui a sorti du Brésilien Montero aujourd'hui en deux manches. Donc voilà, il va avoir peu de repos. On espère que ça va aller pour l'Espagnol. En tout cas, il a trouvé un niveau de jeu normalement assez bon. Donc on espère que ça va pouvoir passer pour la suite. On connaît aussi d'autres affiches, donc des huitièmes de finale, avec notamment Carlos Alcaraz qui affrontera Yarny Nastrov, l'Allemand. Donc ce sera demain aussi. On aura Andrei Rublev qualifié aussi, il affrontera Griekspoor, le Hollandais, demain également, le matin. Serun Dolo, l'Uruguayen, qui affrontera Alexander Zverev, aussi, qui est passé, donc là aussi, tous les matchs demain, de toute façon. Hubert Hurkacz, le Polonais, face à Taylor Fritz. Donc Nadal, on l'a dit, face à Leeka. Daniil Medvedev aussi, toujours là, face à Bublik. Et puis donc, Ojé Aliassim, canadien, qui sera opposé à Casper Ruud, qualifié aussi pour la suite. Et donc, le vainqueur de Yannick Sinner, Kotov, affrontera le vainqueur de Coboli Khachanov, qui aura lieu juste après, donc dans la soirée. Voilà pour les huitièmes de finale chez les hommes. Et puis chez les dames, on connaît deux affiches des quarts de finale déjà. Iga Świątek, la numéro 1 mondiale, largement en tête dans ce tournoi. Elle a pas perdu un set. Premier match 6-1, 6-4. Ensuite, elle a gagné à nouveau 6-1, 6-1. Et encore mieux pour les huitièmes, 6-1, 6-0. Donc elle a pas perdu de temps. Demain, elle jouera face à la Brésilienne Haddad. On connaît une autre affiche entre Madison Keys et Unjabeur, la Tunisienne. Et puis, on connaît deux qualifiés d'écart. Il y aura Rybakina, qui attend son adversaire. Voilà, ce sera ou Putintseva ou Khachatina. Et puis, on connaît La Russe Andreeva qualifiée qui attend son adversaire. Ce sera où Collins ou la numéro 2 mondiale Sabalenka qui se joue ce soir. D'ailleurs, le match qui aura lieu juste après. Donc, on connaîtra les quatre autres qualifiés des quarts de finale. Voilà le tableau donc de ce tournoi de Madrid. Et puis il y aura ensuite Rome, bien sûr, toujours Master 1000. Et puis on terminera bien sûr la saison terre battue avec Roland Garros. Donc, Rome et Roland Garros dans la foulée, voilà ce qui nous attend pour cette suite et fin de saison sur terre battue avec, on espère, Rafael Nadal qui sera de retour au meilleur pour le dernier tournoi de sa carrière, peut-être à Roland, et Djokovic aussi qui sera de retour, qui sera à Rome d'ailleurs déjà pour se préparer une dernière fois. Voilà le point sur le tennis. Il est 21h01 et on va marquer une pause. On est très très bien dans les temps. Et on retrouve Hugo juste après, donc pour le tennis, pour le foot, pardon. Donc, pour la dernière partie, cette dernière heure et demie, avec pas mal de choses encore, avec aussi les pronostics. Enfin voilà, il va se passer plein de choses encore dans cette suite d'émission. Le temps pour nous, Rome, de marquer une petite pause et on se retrouve juste après. On va écouter, qu'est-ce qu'on va écouter d'ailleurs? Qu'est-ce qu'on nous a proposé? Calvin Harris, pourquoi pas. Calvin Harris, avec Ragan Bonneman, on écoute ce son là tout de suite et on va se retrouver juste après. Ça s'appelle Lovers in the Pastime. On écoute ça, on revient juste après. C'est Ragan Bonneman pour ce titre Lovers in a Pastime, dernier titre du duo. Et on est de retour bien sûr pour la suite. Et là, alors on n'a pas Hugo, j'ai cru qu'on avait Hugo en ligne, mais malheureusement on a un petit souci de liaison. Mais on va repartir avec Hugo qui va nous retrouver dans quelques secondes. Le temps, de repartir sur la partie technique et on va bien sûr enchaîner juste après débrief foot, donc plein de choses. Je le disais, on aura les championnats étrangers, on aura la Ligue des Champions, on aura la Ligue Europa, enfin voilà, il y a beaucoup de choses encore à dire de ce côté-là. Donc on va pouvoir en parler dans quelques secondes avec Hugo qui sera avec nous et puis bah on va aussi bien sûr clôturer avec les pronostics. Est-ce que Hugo est avec nous? Allô, allô. Je suis avec vous. Oui, comment ça va? On a ça y est, tout va bien. On a réussi à l'avoir. Eh ben écoute, ça va. Bah, ça va très bien, et toi? Bah oui, parfait. Bah ravi de t'avoir en ligne pour encore un beau débrief, encore plein de choses. On va avoir, donc je le disais, championnat étranger. Alors il s'est passé des choses, on va surtout parler de l'Angleterre, parce que c'est là où il y a beaucoup d'enjeux. Voilà, donc il s'est passé encore des choses ce week-end. On va aussi avoir également les Coupes d'Europe cette semaine, donc bah, présentation des demi-finales, alors même si on les connaît, mais... Voilà, on va en parler juste après. Et puis, bah, en Ligue 1 aussi, ça a pas mal bougé ce week-end. Paris, ça y est, champion. Voilà, c'est fait, c'est officiel. Même si ça ne l'a pas été sur le terrain, ça l'a été grâce à la défaite de Monaco hier. Mais c'est fait. Et puis, bah, ça bouge aussi un petit peu en dessous dans les autres places européennes. Brest aussi qui a assuré d'être européen. Ça y est, c'est fait aussi. Donc voilà, pas mal de choses. Pour cette émission et puis les directs aussi, donc Dunkerque Auxerre, Barcelone Valence, ça a pas bougé. Genoa qui a ouvert le score tiens face à Cagliari 1-0 et Nîmes Resta donc 0-0 pour l'instant après 4 minutes de jeu. Voilà ce qui nous attend pour jusqu'à 22h30 voire plus pour et puis les pronostics bien sûr pour alors on n'a pas été super brillant encore. Non. Ce week-end, et oui, on n'a pas été brillant. Hein. Et même sur la journée d'avant, enfin les matchs de retard, enfin il y en a un qui était plus brillant que l'autre. Je te laisse deviner qui c'est. Voilà. Bah toi, j'imagine. Oui. Bah tu te vois et tu te doutes bien que t'as pas dû faire beaucoup de points, donc. Bon. Parce que attends, j'avais dit quoi j'ai eu que le PSG, moi. Oui, il y avait Paris, oui, il y avait Paris, Lorient, Paris. Sinon, t'es pas passé loin du zéro, quoi. Tu parles de match en retard, tu parles. Oui, c'était la 29e journée, donc on n'avait pas fait de points jusque-là. Il fallait, on avait trois chances de marquer des points. Ouais. Et bah, t'en as marqué, hein, c'est déjà pas mal. Ah oui, j'avais zéro jusque-là, c'est vrai. Ah oui, bah, tout, bon, on avait tous les deux zéro jusque-là. Hein. Ah oui, d'accord. Et toi, t'as eu combien sur cela, du coup? Trois. Trois. Ah ouais, t'avais le nul, t'avais Monaco, ok, ouais. Et puis le score du Marseille-Nice, en plus. Ah oui, c'est vrai qu'on avait, c'est vrai. Bah, putain, on n'est pas passé loin du 3-2, hein, Aubameyang, quand même, mais. Ouais. C'est vrai, bah, on en parlera aussi tout à l'heure, tiens, de ces matchs de retard, c'est vrai, qui ont eu lieu cette semaine. Mais avant ça, eh bien, direction l'Allemagne, comme d'habitude, avec la 31e journée. Eh bien, encore du spectacle pour... Il y avait des gros matchs d'ailleurs. Il y avait deux gros... On les avait annoncés, hein, c'est même trois mais gros matchs en fait. Puisqu'on avait trois gros matchs. On avait Bayern Francfort, donc au tableau, on avait Leipzig Dortmund et on avait Leverkusen Stuttgart, donc... pas mal d'enjeux pour tout le monde. Bah on commence avec le Bayern, hein, Bayern qui jouait le premier, qui s'est imposé 2-1. Bon voilà pour le Bayern, la deuxième place devrait normalement être acquise. Voilà, mais en tout cas l'Europe, la Ligue des Champions, ça s'est fait, c'est sûr. Pour Francfort, l'Europe, ça ne passera pas par la Ligue des Champions, mais probablement par la Ligue Europa. Malgré cette défaite 2-1 donc avec un doublé d'Harry Kane et ça permet donc au Bayern d'enchaîner une quatrième victoire de suite avec cette victoire 2-1. Bon bah voilà, c'est il y a plus trop d'enjeux de toute façon pour le Bayern, donc ils sont un petit peu enroulés mais ça fonctionne bien. Ouais, pas trop d'enjeux si ce n'est de garder cette deuxième place et puis de mine de rien c'est de garder cette confiance, ouais. Comme tu l'as dit, c'était une quatrième victoire de suite. Donc, avant d'aborder ce match de demain contre le Real, voilà, c'est toujours bien de rester dans le vert, dans le positif. Donc, on va dire que c'est ça. Harry Kane a marqué, comme tu l'as dit, un doublé. Donc, il arrive, on va dire entre guillemets à 100% en tout cas dans la tête. Donc, non, ça reste une victoire pas qui va pas rester dans les annales évidemment de toute manière comme la saison, mais comme leur saison, mais oui, ça reste une victoire pour la confiance et voilà, elle mérite d'être là. Et ouais, le Bayern a quand même fait le plein de pour ce gros choc de demain qui va pas être simple pour eux. Voilà, je pense qu'ils sont pas favoris face au Real, même si faut toujours se méfier de cette équipe du Bayern évidemment en Europe, mais au moins voilà, le taf a été fait ce week-end avec aussi un très beau but d'Ekitike qui a marqué son deuxième but en une semaine, c'est ça? Oui. Ouais, il avait déjà marqué cette semaine ou week-end dernier, je ne sais plus, avec Francfort du coup, donc un beau but. Donc à souligner aussi côté Francfort. Voilà, Bayern n'a pas été extraordinaire dans ce match-là, mais comme je l'ai dit encore une fois, le taf a été fait et c'est la meilleure façon d'aborder ce match de demain. Et puis Rekane, 35e but hein, en 31 journées, donc voilà, qui reste vraiment performant encore sur cette fin de saison et qui est de bon augure évidemment pour les matchs notamment qui commenceront demain. C'est sûr. Après, Rekane n'a jamais vraiment non plus eu de match référence, on va dire, dans vraiment les derniers carrés ou en tout cas dans vraiment les derniers tours de la Ligue des Champions. Parce que même quand Tottenham est allé en finale, alors c'était en quelle année Tottenham contre Liverpool? C'était 2019, non? C'était pas un truc comme ça? Te confirmer, je ne sais plus. Cette fameuse année-là, quand même, où il y a eu Tottenham-Liverpool, je sais qu'Harry Kane, il avait 2019, été blessé. 2019, t'as raison, ouais. Ouais, 2019, c'est ça. Ouais. Il avait été blessé, je crois, il n'avait pas joué les quarts ou les demi, je ne sais plus. Et puis la finale, il l'avait joué à 100%, enfin à 100% tout le match, mais bon, il y avait eu 2-0 pour Liverpool, Tottenham avait globalement été dominé, mais voilà, Harry Kane n'a jamais vraiment eu voilà de match référence, donc on va finalement voir demain, il est beaucoup attendu du coup avec le Bayern forcément, et c'est là où il va devoir vraiment répondre présent, parce que voilà, Tottenham, à part cette année-là, il n'y a jamais eu vraiment d'épopée, on va dire, dingue en Ligue des Champions, donc ça va vraiment être un match où il va devoir répondre présent, lui qui a déjà 30 ans quand même, mine de rien. Je crois qu'il est même sur sa 31e année là en 2024, mais donc je pense qu'il est vraiment très très attendu au tournant par les supporters et même par le monde du foot en général, donc ouais, de voir aussi sa performance aussi demain quoi. Oui tout à fait, oui. Bah là c'est peut-être une de ses dernières chances, donc c'est ça. C'est le moment de se montrer. D'autres matchs qui étaient importants entre Leipzig et Dortmund, Leipzig qui fait la belle opération. On rappelle, hein, les quatre premiers sont qualifiés directement pour la phase de groupe de Ligue des Champions, donc c'était vraiment important pour Leipzig. La victoire du coup qui permet, alors pas de s'assurer cette quatrième place, mais en tout cas elle est confortablement installée là, cette équipe de Leipzig. Et Dortmund qui a laissé vraiment une occasion de repasser devant en fait, tout simplement. Et Leipzig qui était beaucoup plus fort, hein, clairement. Et du coup, pour le PSG, c'est une bonne indication avant mercredi du coup. Ouais, c'est clair. Déjà pour refaire un petit point classement, donc Dortmund qui est du coup à 5 points de Leipzig, donc Dortmund qui pour l'instant n'est pas qualifié pour la Ligue des Champions via le classement. Et on parle souvent ici de l'importance du goal average aussi. Il y a 5 points d'écart, mais avec un gros écart de goal average entre Leipzig. Il y en a 6 quoi. Ouais. Donc c'est presque 6 points d'écart finalement. Donc c'est vrai que pour Dortmund ça va être très compliqué, sachant qu'il reste plus de 3 matchs de championnat. De se qualifier vers ces quatre places là, donc voilà, pour la Ligue des Champions de l'année prochaine. Après voilà, pour revenir du coup au choc, au match, Dortmund a fait vraiment un très bon début de match avec d'ailleurs un but de Sancho à la 20e, un très beau but de Sancho même, entrée ou extérieur de surface, mais un bel enroulé qui finit bien pleine lucarne dans mes souvenirs en tout cas. Très beau but de Sancho, et puis ça ils ont continué encore un petit peu après leur but, et puis Leipzig a quand même bien répondu 3 minutes plus tard avec Openda, et puis on va dire à partir de la 30e, 35e, voilà, c'est Leipzig qui a vraiment sorti l'armada offensive jusqu'à la fin du match, et Dortmund qui a beaucoup subi avec aussi un peu de désillusion, on va dire, individuelle. Hummel était vraiment dans une grosse forme, mais sur ce match-là il s'est troué une ou deux fois. Pourtant Hummel, c'est à 36 ans, il fait vraiment une grosse saison, il était dans une grosse dynamique là. Et c'est sûr que à 2 jours du PSG maintenant, c'est une défaite qui peut faire mal dans les têtes et qui peut être de bon augure pour les Parisiens et pour les Français. Mais après on sait aussi à quel point le championnat et les coupes d'Europe, voilà, c'est différent, c'est toujours un autre état d'esprit, une ambiance différente. Donc voilà, on peut pas non plus dire c'est gagné d'avance pour PSG, évidemment. Et d'ailleurs, but de Nîmes contre le Red Star. Car je suis mis le match devant, okay. Ouverture du score, ouverture du score des Nîmois. Je n'ai pas vu le but, j'ai pas vu qui a marqué. Mais 1-0 pour Nîmes, du coup. Et voilà, ouais. Mais Dunkerque aussi. Dunkerque qui a ouvert le score contre Auxerre à 1-0. Et il n'y a pas eu d'autre but ailleurs. Très bien. Puis donc voilà, par grosse victoire de Leipzig qui c'est pas la première fois de la saison. Hein. On voit leur qualité offensive avec Openda, Sechko, Xavi Simons évidemment, Daniel Mo, etc. Donc voilà, c'est un score lourd qui reflète bien finalement la physionomie du match. Mais c'est sûr que pour Dortmund, à quelques jours du choc contre le PSG, ça fait mal, ça, c'est sûr. Et puis dernière affiche, maintenant on les attend à chaque fois, c'est les affiches du Bayer Leverkusen, qui du coup en plus était pour la première fois à domicile après son titre de champion, première sortie à domicile après ce titre, et on a l'impression de répéter toutes les semaines la même chose, mais encore une fin de match de folie et qui était encore mené 2-0 cette fois, enfin voilà, c'était souvent le cas en Ligue Europa, là c'était en championnat et qui est revenu. Et qui marque toujours ce but-là en fin de match. Et voilà, l'invincibilité est toujours présente. Il reste plus que 3 matchs à tenir, mais pour l'instant, ça tient toujours. Ouais, mais c'est ça, c'est quasiment tout le temps le même scénario. Enfin, oui, comme tu dis, surtout en Europa League, oui, c'est vrai qu'ils ont été beaucoup menés, notamment au tour contre Karabakh, notamment, mais c'est vrai, 2-0. Bon, il y avait à l'heure de jeu, quelques minutes après avoir pris le deuxième but, il y avait à 2-1. Et puis, ouais, j'avais vu, je crois que au moins le 9e ou 10e match où Leverkusen marque dans le temps additionnel de la ouais, seconde période. Quoi. C'est ça. C'est vrai que c'est assez dingue. C'est assez dingue. En plus, le but, je crois, c'est un corner ou un coup franc. Et le ballon revient un petit peu en retrait dans la surface de réparation. Un coup franc, c'est ça. Ouais, coup franc. Et puis Andrich, bon, il allume, hein, évidemment. Donc c'est un petit peu contré, mais ça rentre. Et voilà. C'est vrai que ça fait incroyable à chaque fois ce scénario-là de Leverkusen qui veut vraiment pas lâcher le steak. Mais c'est beau, c'est une belle histoire en réalité. C'est mérité aussi, il faut le dire, évidemment. Ils ont eu d'autres occasions d'ailleurs avant ce deuxième but-là d'égaliser, notamment juste après leur but d'Albi à la 61e, leur premier but. Ils avaient eu l'occasion. Donc voilà, c'est pas non plus un match nul à arracher vraiment et immérité, il faut pas dire ça non plus. Mais c'est vrai que ce scénario-là, à chaque fois, en toute fin de match, c'est vrai que ça fait impressionnant. Et puis voir encore une fois la folie, justement, ils célèbrent ça comme une victoire, parce que comme on le dit depuis plusieurs semaines, évidemment, maintenant ils veulent aller le plus loin possible, battre leur corps d'invincibilité. Donc c'est vrai que c'est beau à voir aussi avec cette ambiance-là, fête avec les supporters. Donc c'est génial. Mais c'était un beau match aussi. Stuttgart a fait un beau match aussi. De toute façon, on le sait, hein, ils font une grosse saison. Ils sont 3e, Stuttgart. Donc c'était un beau match aussi. Il y a eu beaucoup d'occasions de part et d'autre. Donc c'était un match très ouvert et c'était plaisant à suivre. Alors, je l'ai pas vu en direct, mais en tout cas, c'était plaisant à regarder quand même en résumé, quoi. Alors du coup, plus que 3 matchs, on le disait. En plus, on avait dit le calendrier était quand même incroyable, puisqu'il y avait deux gros matchs. Il y a eu le match face à, alors je retrouve ici, voilà, Dortmund et Stuttgart. Donc c'était deux matchs importants face à deux gros. Donc ça c'est passé. Maintenant il reste donc Francfort, encore un gros du coup, enfin sixième en tout cas, qui va jouer l'Europe jusqu'au bout. Donc encore une belle affiche. Après c'est plus calme avec Bochum et Augsbourg. Voilà, qui sont des équipes. Ouais. Bochum 15e qui sera peut-être déjà maintenu d'ailleurs. Ou pas, donc c'est pour ça des fois que Bochum va jouer un peu le tout va, donc ouais. Ou pas, on verra. Et puis donc face à Augsbourg, 8e qui a priori jouera plus rien, donc c'est un peu plus calme, mais c'est vrai qu'il reste encore ce match-là de Francfort. Et puis entre-temps, entre les deux, il y aura la Roma du coup à l'aller et au retour. Donc en fait, là ça démarre, le marathon démarre avec jeudi, match dimanche et match jeudi suivant. Donc va falloir, et ça va être compliqué de vraiment tout jouer maintenant voilà, face à la Roma. Alors après, ils veulent vraiment garder cette invincibilité en championnat, mais pourquoi pas le faire aussi en Coupe d'Europe. C'est possible, hein. Il reste plus que 3 matchs si on va aller au bout, donc tout est possible encore pour Leverkusen. Et donc prochain rendez-vous donc déjà jeudi, on va en parler bien sûr tout à l'heure. Le classement, on l'a dit, donc c'est Leverkusen évidemment qui est avec 81 points en tête. Le Bayern est deuxième avec 69 points, Stuttgart 64 points, Leipzig 62, voilà, les qualifiés pour l'instant pour la Ligue des Champions. On a cinquième pour l'instant, c'est Dortmund qui a 57 points. Donc pour l'instant, Dortmund qualifié pour l'Europa League. Et puis ensuite, on a Francfort pour l'instant qui est sixième avec 45 points, qui est qualifié pour les qualifications de la Conference League. Voilà, pour le moment. Et puis encore derrière, on peut encore espérer pour Fribourg avec 40 points. Même Augsbourg et Hoffenheim, 39 points. Finalement, c'est pas fini, hein, même s'il reste que 3 matchs. Mais c'est vrai que 5 points d'avance avec 3 matchs à jouer, ça semble bien parti quand même. Ouais, quand même. Ouais. Pour Francfort. C'est compliqué. Ouais. La suite de la saison, 32e journée, donc ce week-end, on a ce Francfort à Leverkusen, ce sera dimanche à 17h30. Un petit Stuttgart Bayern aussi, ouais. Ben ouais, c'est ça, là. Il y a encore deux gros matchs ce week-end, hein, entre deux, les 6 premiers. Donc, Stuttgart Bayern. Pour Stuttgart, c'est encore l'espoir de finir deuxième. Il faudra gagner, évidemment. Et puis derrière, espérer que ça se passe bien pour les derniers matchs. Mais ça pourrait revenir à 2 points, déjà, en cas de succès. Donc, voilà, les enjeux de Stuttgart ce week-end. Et puis Leipzig, on l'a pas dit, mais Leipzig qui va à Hoffenheim, donc ça qui démarrera vendredi. Voilà, Hoffenheim. Bon, voilà pour Leipzig aussi. Normalement, c'est bien parti pour la quatrième place. Et puis Dortmund recevra Augsbourg pour tenter de pourquoi pas revenir sur la quatrième place. Très bien. Voilà pour l'Allemagne. On va filer en Italie, alors que on a toujours un œil sur les directs. Ça a d'ailleurs bougé en Italie puisque le Genoa a marqué un deuxième but et mène donc 2-0 face à Cagliari. Et puis on dit bien sûr pour Nîmes, Red Star, ça n'a pas bougé, toujours 1-0. Et puis le Barça face à Valence, 0-0 toujours. Et Dunkerque mène toujours 1-0 face à Auxerre. Pour l'instant, c'est une mauvaise opération pour Auxerre, mais il reste encore évidemment beaucoup de temps pour la suite de cette rencontre. L'Italie, donc je le disais, on va juste commencer avant de refaire le débrief des matchs. Par une mauvaise nouvelle qui concerne la blessure de Mike Maignan, qui donc a été, ça a été annoncé aujourd'hui par le Milan AC. Il a révélé que donc Mike Maignan était blessé à l'adducteur droit. Voilà, une mauvaise nouvelle bien sûr à quelques semaines de l'Euro maintenant. A priori, ça ne devrait pas avoir d'impact sur l'Euro, puisque après donc des examens qui ont été faits. Ça devrait pas être trop grave. On rappelle, ça s'est passé jeudi pendant l'échauffement, samedi pardon, pendant l'échauffement. Voilà, donc il a pas pu jouer finalement ensuite face à la Juve. Et donc on rappelle, la liste de destination c'est le 16 mai. Donc voilà, donc on espère qu'il va pouvoir être de retour. On rappelle qu'il avait déjà manqué la Coupe du Monde 2022, hein, puisqu'il s'était blessé. Et donc il a déjà eu pas mal de pépins cette saison. Donc on espère qu'il va pouvoir être de retour assez rapidement. Vraiment à plusieurs parties du corps, quoi, adducteur, la cuisse, le genou. Donc oui, c'est pas que la même blessure, ouais. C'est ça. Donc il paraît quand même un petit peu fragile, peut-être un peu en dessous de la ceinture, quoi. Donc ouais. Si j'ose dire. Mais ouais. Donc espérons que oui, ça va pas s'aggraver en tout cas, évidemment, et puis qu'il pourra être à 100% à l'Euro, quoi. Ça devrait, mais. En espérant qu'il ne se blesse pas non plus pendant l'Euro, quoi. C'est ça. Donc là, il jouera a priori pas déjà ce week-end, hein, face au Genoa, mais on espère qu'il sera de retour assez rapidement pour être compétitif donc pour l'Euro. Donc le débrief de cette 34e journée. Bon, on le disait, on avait déjà ce Juve Milan AC. Hein. Ça va être assez rapide. Il n'y a pas eu de but dans ce match. Voilà, la Juve encore une nouvelle fois. Bon là, c'est pas face à des équipes inférieures, c'est face au Milan AC quand même. Mais du coup, qui enchaîne encore un nouveau match nul. Et cette fois, c'est face au Milan. Voilà, mais en tout cas, pour le Milan AC, cette deuxième place, elle est un peu plus sécurisée puisque la Juve aurait pu évidemment revenir un petit peu plus avec une victoire. Voilà, pas de trop de d'action, pas de grosses occasions dans cette rencontre. Non, il y a eu plutôt une domination milanaise en première période, et puis ça a été l'inverse en seconde, on va dire ça comme ça. même plus d'occasions quand même par la Juve en seconde période, mais c'est vrai que Sportiello, justement, le remplaçant de Maignan sur ce match-là, du coup, a plutôt bien tenu et défendu ses cases. Donc ça donne ce 0-0 là. On a eu deux équipes voilà un petit peu un manque de lucidité, puis bon, Milan a été plutôt inoffensif dans ce match-là. La Juve a, comme je l'ai dit, plus tenté, mais Sportiello est resté impassible, donc ouais, ça donne ce 0-0 là, un petit peu mitigé sur un match où avec la Juve on est un petit peu habitué aussi depuis très longtemps cette saison, donc ouais, pas mille choses à dire sur ce match-là. Ouais. Au cas de cadré pour le Milan par ailleurs. Oui, si tu le dis, ouais. C'est bon, voilà, ça pose des pas un match incroyable. Très bien, on enchaîne avec la Lazio, qui peut toujours espérer quelque chose cette saison pour la Coupe d'Europe, qui a battu Hellas Vérone 1-0. C'était important, voilà, pour toujours y croire, donc 1-0. La Lazio, je sais pas si t'as quelque chose à dire là-dessus, voilà, si. Non, j'ai pas eu le temps, j'ai fait un petit peu l'impasse sur ce match-là. Ok, donc en tout cas, voilà, c'est une victoire qui va peut-être compter pour la Lazio, qui revient seulement à 2 points de la 6e place qui sera européenne, donc c'était important de rester au contact donc de Bergame, donc avec cette victoire. L'Inter, le champion, qui s'est imposé 2-0 face au Torino, pareil, c'est du classique pour l'Inter. Torino, pareil, 10e qui jouera pas de l'Europe l'année prochaine, donc il n'y avait pas d'enjeu pour Torino, qui est déjà en plus maintenu depuis un petit moment. Donc voilà, un Inter classique, voilà, qui a pas forcé en fait les choses, mais non, ça a pas été flamboyant. De toute façon, ça se voit au stade, hein. Il y a eu 17 tirs, 5 cadrés, puis donc 2-0, doublé de Çalhanoğlu à la 56e, et puis penalty 4 minutes plus tard à l'heure de jeu. Finalement, c'est plus le carton rouge pour le Torino qui a fait que, oui, entre guillemets, par la force des choses et la supériorité numérique de l'Inter, et puis évidemment qui est une équipe bien au-dessus, l'Inter, mais je veux dire, mais voilà, ce carton rouge a fait mal au Torino, et puis ça a permis, voilà, à l'Inter de gagner ce match, donc globalement, oui, pas grand chose à dire, c'est un match de champion, finalement, voilà, il n'y a plus rien à jouer, donc voilà, c'est plus une balade de santé un petit peu, mais ça reste une victoire en plus, et puis ça fait toujours des points en plus, parce qu'il reste 4 matchs, 3 fois 4, 12, ouais, ils peuvent toujours être à plus de 100 points, donc ouais. Oui, c'est ça, il y a toujours cet enjeu-là, ouais. Ils peuvent toujours aller chercher ça, bon, je regarde juste rapidement le calendrier, je vais pas regarder, mais un peu ce qui reste pour l'Inter, il restera Sassuolo, donc relégable, hein. On aura Frosinone, ouais, 16e, donc pareil, qui joue le maintien, là, la Lazio, voilà, qui pourra peut-être jouer quelque chose à ce moment-là, et puis il y aura Hellas Vérone, 15e, donc normalement, tu as déjà 3 matchs que tu peux gagner, hein. Ça va être 3 équipes qui jouent le maintien, donc c'est pareil aussi. Pas forcément plus simple, ouais. Ça va peut-être jouer, ouais. Très bien, donc l'Inter, 89 points pour l'instant. Le Napoli, tiens, qui recevait la Roma, grosse rencontre. Pas de vainqueur, 2 partout, belle affiche. Ça s'est surtout joué en deuxième, en fait, deuxième période, même dans la dernière demi-heure. Et du coup, chaque équipe répondait, c'est surtout. C'est ça, c'est que la Roma a répondu à Naples en deuxième partie, mais c'est d'abord Naples qui a répondu à la Roma, et du coup pas de changement sur le classement pour Naples, hein, qui reste encore à portée, même s'il y a un peu de retard, et puis la Roma qui reste cinquième, et va falloir y rester, hein, puisque on rappelle c'est les qualificatifs pour la Ligue des Champions, mais il faut rester là, et donc il y a plus que 2 points maintenant. Ah ouais, c'est ça. Et puis la Roma qui a été, ouais, quand même pas mal dominée par le Napoli. Napoli qui a quand même tiré au but 26 fois dans ce match-là, même si la Roma a plutôt bien tenu défensivement sur ce match-là. Il va falloir essayer de garder cette 5e place-là, comme tu l'as dit, qui va pas être simple avec l'Atalanta derrière, qui joue bien aussi en ce moment, qui est dans une bonne dynamique, malheureusement pour l'OM. Puis oui, la Lazio qui peut toujours aussi être une menace, mine de rien, qui n'est pas si loin. Donc et puis l'Atalanta qui a un match de retard aussi par rapport à la Roma. Oui. Donc ouais, ça a quand même place. Il va falloir essayer d'aller la chercher. Je sais pas c'est quoi aussi leur calendrier à la Roma à venir en championnat. Alors je regarde. Ah, il y a la Juve. ce week-end. Oui. L'Atalanta après, justement, qui est un adversaire direct, forcément. Donc ils ont quand même leur destin encore entre leurs mains, surtout face à une Juve qui n'est pas flamboyante, comme on le dit à chaque fois. Et puis alors, il y aura ce match contre l'Atalanta où il ne faudra pas se louper pour eux, quoi. Donc pour l'instant, ils ont encore leur destin entre leurs mains, mais ouais, il ne va plus falloir perdre de points. Non, là, c'est moi, il va falloir... Falloir enchaîner, et puis donc tu l'as dit, Naples, bah c'est encore jouable, mais il y a plus beaucoup de faut plus se tromper là pour le Napoli. On poursuit avec donc Bergame justement qui se fait un poli, nouvelle victoire 2-0, c'est une deuxième victoire consécutive. Pour Bergame, donc il reste toujours là cette année, cette sixième place, 57 points, donc on l'a dit, hein, c'est jouable pour eux. Bah, il va y avoir bien entendu cette demi-finale face à l'Olympique de Marseille, mais ils vont peut-être laisser un peu de d'énergie quand même dans ces matchs-là, à mon avis. Ah bah sûrement, oui, je pense, hein, ils vont jouer le coup à fond en Coupe d'Europe aussi, tout comme l'OM de toute manière, donc. Dans tous les cas, sur ces deux équipes-là, et comme pour beaucoup, je pense, c'est surtout une mentalité anglaise, hein, de privilégier le championnat de toute manière aux Coupes d'Europe. Donc forcément, plutôt dans les autres pays, on n'a plus cette mentalité Coupe d'Europe, entre guillemets, avant tout. Mais, donc oui, forcément, l'Atalanta va perdre un peu de plume, comme l'OM, notamment, et puis comme toutes les autres équipes qui sont encore engagées. Donc oui, ça va aussi être intéressant à suivre, hein, cette cinquième place. En Italie, entre la Roma, l'Atalanta et pourquoi pas la Lazio qui peut s'inviter davantage. Donc c'est sûr que ça va être à suivre. Et puis comme je l'ai dit, dans deux semaines normalement, Roma-Atalanta, donc ce sera à suivre cette cinquième place. Et Atalanta, là qui a un calendrier de folie, hein, qui joue jeudi, donc face à Marseille, qui jouera lundi, match face à Salernitana, donc match de la 35e journée, qui jouera le retour ensuite jeudi. Et ensuite ça va s'enchaîner puisque il y a toujours un match de retard qui est pas programmé, hein, face à la Fiorentina, il est toujours pas reprogrammé et il va falloir le jouer. Il y aura la Roma, tu l'as dit, le 12, il y aura la finale de la Coupe d'Italie le 19, et il y aura la dernière journée le 26. Donc en fait il va falloir reprogrammer en plus ce match de retard, donc le calendrier. T'as oublié le 19 mai à Lecce aussi, je crois, après la finale de Coupe. Oui, pardon, je disais la finale le 19, non, la finale le 15, donc en semaine, ouais. Et le match face à Lecce le 19, donc la même semaine. C'est-à-dire qu'en gros, ils vont jouer deux matchs par semaine jusqu'à la fin, là, quasiment. Enfin, c'est même sûr. Là, semaine, il y en a deux, la semaine prochaine, il y en a 42. La semaine d'après, il y a la finale, donc ça fait deux matchs. Et la dernière semaine, il va forcément y avoir le match de retard qui va être, à mon avis, programmé là aussi. Donc, en fait, là, il reste 8 matchs et en 4 semaines. Ouais, donc ça peut être un atout aussi pour nous. En tout cas, peut-être pas là sur ce match aller parce qu'il n'y a pas encore eu cet enchaînement de matchs, mais au moins sur le match retour, comme tu l'as dit, ils vont jouer lundi à la Salernitana, ouais, pardon. C'est ça. Donc ça peut jouer en notre faveur aussi. C'est vrai que. Mais si ce qualifie en finale, vraiment, il n'y aura plus de place sur calendrier, quoi. Je ne sais pas comment ils vont faire. C'est vrai que là, ils ont tout, ils sont engagés encore partout. Ils sont toutes les coupes. Cramé, hein. Parce que la finale, c'est quel. C'est le 1er juin Le 1er juin, c'est la Ligue des Champions, le 1er juin, je crois. Oui, c'est Ligue Europa. Ligue Europa, c'est le 22 mai. Donc, 22 mai le 22, oui, 22 mai. C'est-à-dire le mercredi 22 mai. Ça veut dire que s'ils se qualifient, ils jouent le 19, ils jouent le 22, ils jouent le 26, et il manque quelque part le match de retard de... Contre la Fiorentina. Et tu peux pas jouer tous les... Enfin, c'est... Tous les trois jours maximum, donc minimum, donc il peut pas. Là, va falloir privilégier quelque chose, hein, dans ce cas-là, parce que privilégier une compétition, faire un turnover sur mais certains matchs. Si toutefois, il se qualifie, comment on va gérer la fédération italienne pour remettre ce match face à la Fiorentina de retard, parce que t'as plus de place, t'es déjà à full jusqu'à la fin. Est-ce qu'ils peuvent le reporter après la 38e journée? Ça me paraît compliqué sportivement pour les autres clubs, hein, quand même. Ouais. Donc je sais pas. Peut-être plutôt reporter la finale de la Coupe d'Italie, à mon avis, après le championnat. Plutôt ça. Ouais. On verra, et on n'en est pas là, loin de là. On espère qu'il n'y aura pas besoin de se poser cette question. Et que du coup, ça veut dire que Marseille est en finale. Donc, c'est clair. On verra ça, bien sûr. Voilà, on a fait le tour sur, et puis en direct, donc Genoa-Cagliari, 2-0 toujours pour le Genoa, Et puis ça n'a pas bougé. Si, ça a bougé, bien sûr, en Espagne, puisqu'il y a un partout déjà. Le Barça qui a ouvert le score par Lopez et le Valence qui a égalisé, donc un partout après une demi-heure de jeu. Le classement en Italie, donc on a pour l'instant donc l'Inter 89 points en tête, le Milan AC 70 points, la Juve 65, Bologne 63, la Roma 59. Donc pour l'instant c'est les qualifiés pour la Ligue des Champions. Sixième c'est l'Atalanta Bergame pour l'instant. Les Ligue Europa, et puis la Lazio 7ème 55 points, Conference League, et après pour la Fiorentina, pour le Napoli c'est encore jouable mais il va falloir s'arracher. Et puis en bas donc Salernitana c'est fini, si je dis pas de bêtises, 4 x 3 12 points, ouais c'est fini hein, pour la Salernitana c'est terminé, ouais. Puisqu'il n'y a plus possibilité de revenir. Pour Sassuolo, Udinese, Empoli, Frosinone et Azzerone, bah, tout est encore concerné, même Cagliari hein, tout ça c'est concerné encore par le maintien. Voilà donc le classement. Et puis la prochaine journée, allons voir un peu plus loin. Donc la 35e. Bah, comme je l'avais dit tout à l'heure, il y a que la Roma contre la Juve. Oui. Comme grosse affiche. C'est ça. Ouais, il n'y a pas d'autres gros enjeux dans cette journée. Et puis donc avant de clôturer avec l'Italie, on connaît donc l'affiche de la finale de la Coupe d'Italie puisque. On l'a dit, donc Bergame s'est qualifié après sa victoire 4-1 face à la Fiorentina. Rappelle qu'ils avaient perdu 1-0 à l'aller, donc ils ont fait le boulot pour revenir. Et puis la Juve donc s'est qualifiée pour peut-être sauver la saison. Après avoir perdu face à la Lazio 2-1, mais qui avait gagné 2-0 à l'aller, donc qualification. Et donc pour l'instant, Bergame-Juve, c'est programmé le 15 mai. Donc pour la Juve, ce sera évidemment l'occasion de sauver un peu une saison qui est très moyenne évidemment. Donc voilà l'enjeu donc de cette finale. Et puis Bergame qui peut-être aura tout perdu et pourra devoir gagner pour se qualifier hein. C'est encore possible ça, ce scénario là ouais. Ouais. Donc voilà ce qui nous attend pour cette finale. L'Espagne maintenant avec la Liga, comme on le disait en direct toujours, ce Barcelone-Valence. On jouait donc en Espagne la 33e journée. On est un petit peu plus en retard en Espagne. 33e journée. C'est vendredi le Real qui a lancé la journée et qui a encore fait le boulot, le minimum, face à la Real Sociedad et qui s'impose donc dans ce match avant de jouer le Bayern. On parlait tout à l'heure du Bayern, c'est le Real maintenant. Et qui, même si on l'a dit, le titre, ça y est, c'est fait. Mais voilà, ils ont quand même assuré le minimum pour gagner et se mettre en pleine confiance, peut-être avant le match de demain. Ouais, c'est ça. Bon, ça n'a pas été un gros match. Hein. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions non plus. Le Real a marqué juste avant la demi-heure de jeu par le petit jeune turc. Le turc Arda Güler pour sa première titularisation derrière avec les Meringues. Donc voilà, c'est le seul but de la rencontre comme tu l'as dit. Et puis voilà, globalement la Real Sociedad avait eu des occasions jusqu'à la demi-heure de jeu. Le Real voilà, c'est un petit peu dominé, on va dire ça comme ça. Mais il n'y a pas franchement eu de grosses occasions ensuite. Il n'y a pas vraiment eu. Ça n'a pas été un match très ouvert non plus. Ça se voit un petit peu au stade aussi. Hein. Il y a eu 9 tirs à 5 quand même en faveur de la Sociedad. Le Real qui a tiré que 5 fois au but durant tout ce match. Donc voilà, on va dire un petit Real, mais plutôt dans la maîtrise, en tout cas on va dire ça comme ça. Et puis voilà, le titre est quasiment acquis. Enfin, acquis, on va dire ça. Oui. C'était un peu une promenade de santé aussi, voilà, tranquillement, levant le pied avant ce choc contre le Bayern de demain. Donc pas grand chose de plus à dire quoi. Pour la Sociedad, attention, qui est toujours européen pour l'instant, mais Betis revient à 2 points, donc attention, danger pour la fin de saison. Gérone qui repasse deuxième provisoirement avec le match du Barça, mais avec Luka qui a pris la deuxième place à ce moment-là avec une victoire 2-0 à Las Palmas. Grâce à cette victoire, clairement maintenant est quasiment assuré d'être en Ligue des Champions, hein, puisque Bilbao 5e, il y a trop de retard maintenant. C'est quasiment impossible, oui. Quasiment fait. Donc voilà. Il n'y a que l'enjeu du podium encore, quoi. Voilà, c'est ça. Ils ont une belle avance sur la Pétrole. Ouais. Donc, a priori, même le podium devrait être bien assuré. Donc voilà, pour Gérone, c'est fait aussi normalement pour cette Ligue des Champions. Donc victoire 2-0. Et puis, donc, on avait toujours samedi L'Atlético qui a donc battu Bilbao, c'était un match important, cette affiche, pour rester quatrième, rester en Ligue des Champions. L'Atlético qui a fait le boulot avec une victoire 3-1. Dans le cas contraire, Bilbao aurait pu revenir à égalité, tout simplement. Donc c'était vraiment, vraiment primordial de gagner là. Ouais, c'est clair. Belle victoire de l'Atlético, 3 buts à 1 contre Bilbao. Ça a pu jouer en seconde période, il y avait un partout à la mi-temps. Petit début assez bizarre, un petit peu. L'ouverture du score de De Paul, c'est une reprise, je crois, qui est déviée par un joueur de Bilbao dans son but, qui trompe son gardien. Le troisième but de l'Atlético, c'est une frappe de je ne sais plus qui, ça fait poteau. Ça tape dans le gardien qui était couché et ça rentre dans le but ensuite. Donc c'est un CST d'Unai Simon. Enfin bon, voilà, après ça revient à dire, mais en tout cas. Puis le but de Bilbao, le seul but de Bilbao, c'est une erreur de Griezmann pour le coup à souligner, c'est rare. Ah oui, c'est aussi. Vrai. C'est une mauvaise passe. Pourtant ils étaient en transition offensive. Enfin, ils étaient en attaque. Les Colchoneros, Griezmann, voilà, recule, veut jouer en retrait, il veut jouer sur son défenseur, je sais plus lequel, et puis il fait une mauvaise passe. Ça offre le ballon à Nico Williams, et puis voilà, il va les marquer. Donc une erreur de Griezmann là-dessus, d'appréciation, mais globalement l'Atlético a géré ce match quand même par la suite, et puis le job a été fait voilà par l'ensemble de l'équipe, et Griezmann n'aura pas fait un mauvais match non plus sur ce match-là, donc voilà, c'était un bon match pour l'Atlético qui permet donc de garder d'aggraver plutôt cette avance sur Bilbao, hein, comme tu l'as dit. Donc maintenant ils ont 6 points d'avance sur Bilbao qui est 5e, donc voilà, les 4 pour la Ligue des Champions, ils sont écrits, quoi. Ils sont bien, bien, bien installés, c'est clair. Très bien. Et puis, donc on le disait en direct, c'est le Barça face à Valence. Donc, pour l'instant, un partout. Pour le Barça, c'est pour passer deuxième. Pour Valence, il y a plus trop d'enjeux. Enfin, il faudrait gagner pour espérer chercher la sixième place qualificative pour la Ligue, la Conference League. Donc pour l'instant, c'est un petit point, mais ça suffirait pas, évidemment. Donc le classement, on retrouve donc le Real à 84 points. Ensuite, Gérone 71 points. Le Barça pour le moment 70 points. L'Atlético 64 points. Donc là, c'est les 4 pour la Ligue des Champions. Bilbao pour la Ligue Europa est 5e avec 58 points. Ça devrait plus trop évoluer, hein, puisque la Real Sociedad est 6e avec 51 points. Il y a quand même pas mal de retard. Bon, après, il y a 5 journées en Espagne, hein, c'est encore beaucoup, mais voilà, il faudra vraiment que Bilbao s'écroule. Et puis le Betis, avec 49 points, n'a qu'à 2 points de l'Europe, donc c'est encore jouable. Et Valence, souvent dit ce soir, pour espérer revenir aussi un petit peu. Et puis plus loin, ça va être compliqué. Et en bas, Almeria. Alors, Almeria, c'est pas mathématiquement terminé, puisqu'il reste 15 points à prendre, donc c'est encore jouable, mais à 14 points, on va pas se le cacher, hein, c'est quasiment fait. Grenade, 21 points, et un petit peu de retard, mais c'est encore jouable, malgré qu'il y ait... Ah non, il y a 10 points de retard quand même avec Celta Vigo, donc ça va être compliqué. Puis Almeria, non, c'est fini en fait, Almeria, c'est pas fini, mais si. Il y a 35-15, ça fait 29 points. Ouais, et 31 points, non, c'est fini, hein, ça y est. Celta Vigo Oui, il y a bien 3 descentes en Espagne. J'étais calé sur. Mais non, c'est donc il y a bien 3 descentes. Donc Almeria avec la défaite de face à Retafe, c'est fini pour Almeria qui va redescendre. Pour Grenade, ça va être presque le cas aussi. Et Cadix qui peut encore se sauver. Mais il y a 5 points de retard quand même face à Celta Vigo et à Mallorca ensuite. Donc c'est quand même bien bien avancé pour l'Espagne. C'est de relégation. Ce week-end, qu'est-ce qui nous attend? Eh bien, Gérone-Barça. Gérone-Barça pour la deuxième place. Exact. Ouais. C'est qu'en vrai, c'est le seul enjeu majeur, on va dire, vraiment de dans tout ce classement. Hein. De cette journée-là, ouais. Bah ouais, enfin même presque jusqu'à la fin, parce que on l'a dit, là, le maintien, c'est presque fait, en tout cas, à part peut-être Cadix 18e, et puis à part la 6e place, on l'a dit tout à l'heure, mais sinon, il n'y a pas vraiment d'enjeu maintenant. Tu as dit, ça va plus beaucoup bouger, hein, je pense. Hein, la 5e, 4e place, ça ne bougera quasiment plus, je pense. Évidemment, Real est champion, donc c'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup d'enjeux déjà en Espagne. Oui, c'est vrai. On va peut-être vivre une fin de saison un peu plus calme. Un peu moins sympa. Calme, ouais. Très bien, filons en Angleterre, où là par contre il y a de l'enjeu, beaucoup d'enjeux un peu partout. Donc avec ce débrief de cette 35e journée, bah, on va démarrer avec Liverpool, hein, bah, qui démarre du coup le mal la journée, qui joue le premier. Et qui a dit adieu au titre. Et qui a priori a dit adieu au titre avec la défaite. Déjà, c'était. Alors, il y a eu deux journées, ouais, c'est ça. Liverpool qui jouait. Alors, c'était un match de retard, d'ailleurs d'une autre journée. Hein, c'était même pas la celle de la semaine d'avant, qui avait fait. Je sais même plus le score leur défaite. Everton. C'était Everton, c'est ça. Et le derby de Liverpool, il y a eu 2-0 pour Everton. Voilà. Et d'ailleurs, Everton a complètement dominé Liverpool sur tout le match. C'est ça qui est assez impressionnant. Ça faisait 14 ans, je crois, que ouais, Everton n'avait pas gagné dans ce derby-là à la maison à Goodison Park. Donc c'était une grosse victoire pour Everton qui a fait un pas de plus vers le maintien. Mais Liverpool avait grillé une première cartouche pour le titre donc la semaine dernière. Hein, c'était jeudi ou mercredi, je sais plus. Et puis donc bah ce week-end, voilà, avec ce nul à West Ham, 2-2. Alors que Liverpool avait pris le premier but, il perdait 1-0 et c'est revenu à 2-1 à la 5e minute avec un CSC d'Areola. Et puis une dizaine de minutes plus tard, égalisation d'Antonio pour West Ham et puis Liverpool n'arrivera pas à marquer ce troisième but pour remporter ce match et dit adieu au titre tout simplement. Hein, si tu regardes la dynamique, Liverpool, 5 matchs là, une seule victoire. Hein. Donc ouais, bah 5 sur 15 qui a eu 2 nuls, bah c'est trop peu, ouais. C'est sûr. Et puis je sais pas si t'as vu cette image là, Rémi, mais moi j'ai regardé ce match là en direct pour le coup samedi. Donc il y a le deuxième but de West Ham qui égalise donc 2-2 à la 77e. Et t'avais Salah qui était sur le bord de la pelouse, qui était prêt à rentrer, tu vois, donc il attendait un arrêt de jeu, quoi. Et puis donc il y a ce but là et on voit Salah qui commence à parler de plus en plus fort et à s'engueuler, quoi. Et on voit même je sais plus quel joueur fait reculer Salah, parce que Salah avait l'air d'avoir des mots assez pas tendres en tout cas envers Klopp. Alors je sais pas si je lui reprochais de ne pas l'avoir mis titulaire ou de ne pas l'avoir fait rentrer plus tôt, voilà. Mais il y a eu aussi cette image là qui était assez impressionnante, surtout qu'on sait que Klopp c'est plutôt, enfin moi j'ai pas le souvenir, c'est combien de temps qu'il est là, presque 10 ans, non? Oui, ça va faire plus, oui. Presque. On va dire un petit peu moins de 10 ans, mais j'ai pas le souvenir que Klopp se soit embrouillé, en tout cas publiquement embrouillé avec un de ses joueurs, tu vois. Et c'est pour ça que c'était assez impressionnant, non seulement de par le scénario, parce que voilà, Liverpool perd un petit peu le titre là-dessus, mais ouais, voir Salah avoir des mots qui avaient l'air durs, en tout cas on sait pas ce qu'il s'est dit, mais envers Klopp, c'est vrai que c'était assez impressionnant aussi à voir, quoi. Ouais, c'est peut-être un peu la crise Liverpool là. Ouais, il jouait tout et puis bah, d'un coup il joue quasiment plus rien maintenant. Bah oui, plus rien. En cup ils sont plus là non plus. Non. Donc ils avaient possiblement un triplé à faire et ben en fait il y aura rien du tout. Bah c'est ça. Donc c'est un sprint final, on va dire, assez cataclysmique pour eux, mine de rien, quoi. Surtout pour la dernière de Klopp, il y aurait au moins essayé d'aller chercher un trophée, quoi. Même peut-être pas la Première Ligue. Peut-être pas l'Europa League, mais ouais, peut-être la QEP. Mais bon, au final, ouais, il y aura que Nenny. C'est ça, ouais. Ouais, c'est un peu triste, mais voilà, c'est assez dur pour les supporters, ouais, de Liverpool, c'est sûr. Puis pour Klopp aussi, mine de rien. C'est vrai que ça se termine mal pour lui. Donc ça, c'était pour démarrer. On avait United qui ça prouve bien que c'est la fin d'un cycle aussi. Aussi, bah, c'est le moment de partir, c'est ça. United qui recevait Burnley. Burnley qui joue le maintien toujours, hein. Et on a donc United qui joue l'Europe. Bah ça s'est joué vraiment fin de match, mais bah United qui perd 2 points qui vont probablement coûter cher dans le classement, et pour Burnley c'est peut-être un point de l'espoir. Voilà, c'est quand même, bah c'est vraiment 2 points de perdu bêtement. Ils ont vraiment craqué sur les dernières minutes, quoi. Ouais, c'est ça, et puis c'est encore une fois trop friable offensivement. Il y a quand même 27 tirs dans la rencontre. Il y a que 10 cadrés, que 10 tirs cadrés aussi, à qu'un seul but. Voilà, côté United, même si c'est plus le grand United d'il y a 10-15 ans, tu peux pas tirer 27 fois au but et encadrer que 10, c'est en mettre 15, quoi. C'est pas possible. Il y a un vrai problème d'efficacité offensive dans cette équipe. C'est trop tendre. Les Anthony, les Højlund, les Garnacho. Encore Garnacho, bon, ça va encore globalement sur sa saison, mais Anthony, tout ça, c'est quand même relativement des flops, hein, un flop depuis son arrivée, on va dire ça comme ça. Il est pas catastrophique, mais en même temps, c'est lui qui marque aussi le seul but de United dans ce match-là, mais Anthony, ça reste beaucoup trop friable et pas assez tranchant dans le dernier geste. Encore une fois, tu tires 27 fois au but contre une équipe relégable comme ça, tu dois remporter ce match quand t'es United, quoi. Oui. Et d'ailleurs, Onana fait des beaux arrêts aussi, d'ailleurs, donc ça aurait pu être pire. Parce que ils ont quand même subi 17, je crois. J'avais la stat. 16 tirs aussi quand même Burnley. Donc mine de rien, Burnley a eu des occasions aussi d'enfoncer le clou, quoi. Enfin, de marquer plus tôt dans ce match plutôt, parce qu'ils ont égalisé à la 88e sur penalty. Ça aurait pu être pire aussi pour United. Donc globalement c'est ça. Ça a été solide de par son gardien Onana, qui pourtant n'a pas fait une grande saison globalement. Mais c'est encore une fois trop triste offensivement, quoi. Bah ouais, là ils perdent beaucoup de points. Il faut savoir qu'ils vont jouer la finale de la Coupe d'Angleterre, donc ils peuvent, grâce à cette victoire là peut-être se qualifier. Et puis sinon, bah on rappelle que comme Liverpool a remporté la Coupe de la Ligue, ça va libérer une place en championnat, donc potentiellement la sixième place sera européenne. Mais Newcastle, on voit qu'ils sont pas loin, hein, donc ça va être tout tendu jusqu'au bout pour United. Ouais, parce que la sixième place n'est pas européenne pour l'instant, c'est ça ? Enfin... sur le classement, non. Mais maintenant, ça devrait être le cas avec les coupes d'Angleterre et de la Ligue, hein, puisque du coup, si United remporte cette Coupe d'Angleterre, ils seront directement qualifiés pour la Ligue Europa. Hein. Et puis sinon, comme Liverpool a déjà gagné la Coupe de la Ligue, ça devrait quand même du coup libérer cette sixième place là. Hein. La Conference League, qui c'est qui y va déjà en Angleterre alors ? Eh ben c'est le vainqueur de la Coupe de la Ligue. Ok. Mais d'accord. Du coup, comme c'est Liverpool et qu'ils sont déjà en Ligue des Champions, ça va donner une sixième place. Normalement, ça va se faire comme ça. Donc une sixième place pour la Conference League. Pour la Conference League. Désolé, je suis perdu, mais et la Cup, du coup, on est où là déjà ? Ben c'est la finale, hein, entre United et City justement. Et okay, donc. Si City gagne la Cup. Ça va donner une septième place. Ben ouais. Ah. Mais enfin, oui. ça va donner une septième place. Prioritairement, le sixième sera en Ligue Europa, bien sûr. Du coup, le septième, il sera en Conference League. Ouais. C'est compliqué. Hein. Mais c'est parce que comme il y a deux coupes en Angleterre, c'est vrai que c'est compliqué. Ouais, c'est un sacré labyrinthe. Enfin, ouais, un puzzle plutôt. Ouais, c'est ça. Bon. C'est du coup. On va prendre match par match. Hein. Ouais, pour l'instant, on n'y est pas. Mais du coup, ça peut avoir. Il peut y en avoir sept du coup en championnat, et ce sera tout bénef pour United et pour l'instant Newcastle. Et donc pourquoi pas Chelsea qui a par exemple deux matchs de retard sur West Ham, Chelsea 9e, et un match de retard sur Newcastle aussi, ça peut aussi se débrouiller pas trop mal. Chelsea peut essayer d'aller chercher une 7e place qui pourrait être qualificative pour une Coupe d'Europe quand même. C'est ça. Oui, bien aussi. Bah ouais, c'est en fait encore un peu d'enjeu. Mais Chelsea, on disait que c'était fini depuis très longtemps, mais peut-être que dans cette fin, dans ce dernier sprint, Serait quand même tiré par les cheveux, mais c'est possible. Mais c'est jouable, il faut pour ça. C'est le coup à fond, hein, faut tout jouer, oui. C'est ça, exactement. Donc on était sur United, donc on l'a dit, justement Chelsea qui a perdu des points, justement ils ont perdu déjà deux ce week-end, ils en ont perdu, ou alors ils en ont gagné un, ça dépend dans quel sens on se place. Ouais, parce que c'est quand même Aston Villa en face. Ouais. Et ils étaient menés 2-0, donc ils ont quand même peut-être pris un point important. Et pour Aston Villa, c'est quand même, ils sont encore bien installés à la quatrième place. Mais attention, parce que on voit que Tottenham a 7 points de retard, certes, mais ils ont 2 matchs de retard aussi. C'est ça, donc ça peut aller très vite aussi. Okay. faut essayer de pas perdre trop de points pour Villa, surtout que sur ce match-là, mine de rien, contre Chelsea, ils ont pas été fort boyants non plus, en tout cas pas comme on les connaît depuis le début de saison, enfin depuis le début de saison. Donc c'est vrai que va pas falloir relâcher la cadence dans le sprint final, quoi, parce que c'est vrai que ça peut arriver finalement très vite derrière, ouais, comme tu dis, Tottenham qui a deux matchs de retard, ouais. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de matchs de reportés ces derniers temps, et on sait plus trop où on en est, mais pour certains, en Angleterre, comme on le dit, en Angleterre, comme il y a deux coupes en plus, ça fait, forcément, ça décale beaucoup. Ouais. C'est ça. Donc, Aston Villa, Vincent, c'est toujours cela. Et puis Chelsea, qui peut encore y croire. Le beau derby, c'était entre Tottenham et Arsenal. Ça a tenu ses promesses. Et ça permet à Arsenal, pour l'instant, d'être leader. Mais City aura quand même encore un match de retard à jouer. Et pour Tottenham, c'est dommage. On est terminé 3-0 en même temps. Hein. Donc, pendant une bonne heure, Arsenal a maîtrisé grandement Tottenham. Hein. Il y avait 3-0 à la mi-temps pour Arsenal. Donc but à la 64e de Romero pour Tottenham. Hein. Mais sur une grosse boulette de Raya, le gardien d'Arsenal, qui reçoit un ballon un petit peu anodin en retrait sur lui. Alors il s'apprête à dégager, puis je sais pas, son crampon a dû rester un peu accroché à la pelouse, donc ça fait une petite balle piquée un petit peu merdique, j'ai pas d'autre mot qui me vient, merdique sur l'attaquant, sur Romero plutôt, qui était bien placé là, et puis Romero il a juste à placer son ballon dans le but vide d'Arsenal, quoi. Et ce but là, mine de rien, il a relancé beaucoup les Spurs, et qui ont ensuite eu beaucoup d'occasions, enfin plusieurs occasions en tout cas. Pour Arsenal, ils ont même marqué sur penalty du coup avec Son à la 87e, mais au final, Arsenal remporte ce match-là, mais tu vois, cette erreur de Raya, finalement, elle aurait coûté très cher à Arsenal. C'est sûr. Surtout que ils ont encore un match d'avance par rapport à City. Si City gagne son match de retard, c'est City qui reprend la première place, donc c'est pour ça qu'elle aurait fait très mal. Ça aurait fait très mal à Arsenal de pas prendre ces 3 points-là alors qu'il gagnait 3-0, quoi. Et puis revenons un tout petit peu en arrière où City avait écrasé Chelsea 5-0 dans la semaine. C'était un match, déjà un match de retard. Arsenal. J'ai dit quoi? T'as dit City. Pardon, Arsenal qui a écrasé Chelsea 5-0. C'était un match dans la semaine aussi, match de retard. Donc il y avait donc deux derbies pour Arsenal et deux derbies gagnés. Et puis quel derby face à Chelsea là? Il n'y a pas eu de match. Hein. Ah bah non, déjà le score parle de lui-même, et puis oui, même dans la physionomie du match, Arsenal a marché sur Chelsea. Après, on s'y attendait plus ou moins, hein, de toute manière. Oui. Au final, la logique a été respectée. C'est vrai que si un mec, il y a 10 ans, il sort du coma, il voit 5-0 Arsenal-Chelsea, il se dit « Ah ouais, ah bon, qu'est-ce qui se passe ?» Et maintenant, depuis quelques saisons, et Chelsea va vraiment pas très bien. Et puis, encore une fois, du point de vue de cette saison-là, c'est logique qu'Arsenal inflige une fessée comme ça à Chelsea. Mais c'est vrai que c'est impressionnant aussi que Chelsea se laisse autant marcher dessus dans un derby comme ça aussi. Oui. En tout cas, deux victoires en deux matchs dans la semaine. Et puis City, qui a fait la même chose, hein. 4-0 face à Brighton. Pareil, dans la semaine, c'était jeudi. Et puis 2-0. Donc voilà, ils ont encore répondu à Arsenal. Cette fois, c'est face à Nottingham Forest. Ça n'a pas été très très brillant, mais c'est efficace et ça permet de rester à un point. Et d'être apporté en cas de victoire, de revenir devant, quoi, en fait. Le job a été fait, hein, comme tu l'as dit. Ils n'ont pas été non plus très bons sur ce match-là, mais but de Guardiola, but d'Haaland aussi. Le taf a été fait, donc ils ont suivi, ils ont été bien motivés, je pense, par les performances récentes d'Arsenal. Donc, victoire logique. Et d'ailleurs, 6 victoires consécutives en championnat, là, c'est une belle série. Ça permet pour l'instant de rester. Vraiment très très proche. Du coup le classement, donc pour l'instant on a Arsenal à 80 points, on a City avec 79 points mais un match de moins, Liverpool 75 points qui est bien décroché, ça y est, Aston Villa 67, Tottenham 60 mais avec deux matchs de moins, United 54 mais là aussi un match en moins, pour par rapport à ceux qui sont vraiment vraiment à jour, hein. Newcastle 53 mais aussi un match de retard. West Ham 49, Chelsea 48, mais deux matchs toujours aussi de retard pour essayer de revenir. Et en bas, pour Sheffield United, c'est quasiment fait. C'est fini, hein, parce que ça y est, hein, y a plus que 3 matchs à jouer et il y a 10 points de retard, donc c'est terminé. Sheffield, ça va redescendre. Et puis ensuite, Burnley, Luton, Nottingham Forest vont se battre pour. Il y en a un qui pourra rester, les autres descendront. Puisque Brentford, avec 10 points d'avance, aussi est maintenu. Donc ça y est, on aura plus qu'un enjeu pour le maintien. Pour l'Europe, par contre, il va y avoir beaucoup d'enjeux jusqu'au bout. Du coup, cette semaine, il y aura forcément pas de match de retard de jouer, puisqu'il y a la Ligue des Champions, bien sûr, mais il va y avoir une grosse fin de championnat aussi en Angleterre, puisque avec tous ces matchs de retard, il va falloir vraiment rattraper. Entre ceux qu'on ont un et ceux qu'on ont deux, ça va enchaîner pas mal de matchs. Là, on y a un Tottenham City qui va être sympa aussi. Ce sera que le 14 mai, hein, et vous voyez, ça se joue assez tard. Et après, il y en a qui joueront entre les matchs en semaine, donc ça va faire pas mal de retard. Ce week-end, qu'est-ce qui nous intéresse de bon? Il y a une affiche en particulier, c'est Liverpool-Tottenham. Ah oui, c'est sympa ça. C'est sympa, Tottenham, ouais, comme on l'a dit, pour essayer de recoller Aston Villa, évidemment, avec ce 2 matchs de retard aussi. En tout cas, essayer de pas lâcher à ce moment-là. Puis Liverpool, bon, au cas où, pourquoi pas, c'est toujours gagné, mais, oui. Mais on va dire que c'est la grosse affiche quand même du week-end. Donc, ce sera, j'essaie de regarder, j'ai pas réussi à trouver quand est-ce que ce sera, ce match, ce sera... si c'est là, c'est donc dimanche à 17h30 cette affiche là. Voilà, City recevra Wolverhampton, Arsenal recevra Bournemouth pour cette 36e journée. Très bien. Terminons avec la Ligue 1, enfin, en tout cas avec le championnat français. Un mot en national où ça. Il y a un gros match. Hein. Ah. Il y a eu un gros match en national. Il y a eu un gros match. Oui, il y a eu un gros. Il y a eu quand même 9 buts quand même. Il y a eu du but, ouais. Nancy-Le-Mans, il y a eu de. J'ai pas vu le match en direct, mais quand j'ai vu qu'il y a eu 6-3, je suis tout de suite allé voir sur YouTube, voir un petit peu le résumé, quoi. Ouais, gros match. Même s'il n'y a pas de gros enjeux pour Nancy, même pour Le Mans, ça y est, hein, ça va être trop juste pour aller chercher la montée. Bah ouais, il y a eu un sacré match. Donc ce 6-3 donc le Red Star joue en direct, hein, c'est déjà fait pour la montée et quasiment aussi pour le titre aussi, hein, puisque il y a quand même 9 points d'avance. Il reste plus que 3 matchs, donc voilà, c'est quasiment fait aussi. Pour Nîmes, ce soir, c'est important pour essayer de se maintenir. Pour l'instant, tu le dis, il y a toujours 1-0, hein, c'est ça, hein, ouais, c'est ça, la mi-temps. C'est la mi-temps, ouais, 1-0 pour Nîmes, but de Camara, du coup. Ouais, ce serait une belle remontée. Avec 38 points, ça permettrait d'être 11e, donc c'est important pour Nancy. L'USO qui a pris. Pour Nîmes, pardon. L'USO qui a pris un bon point à Versailles, hein, malgré ce score de 0-0 qui permet de s'éloigner un petit peu. Alors, on rappelle les 6 descentes, hein, donc jusqu'à la 13e place. Il faut au moins être 12e pour se maintenir. Donc, il y a encore 4 points d'avance sur la zone rouge. Donc, c'est encore pas catastrophique. Il y aura un match important face à Épinal vendredi, donc déplacement à Épinal, qui est pas éliminé, mais qui est encore quand même 17e, donc il y a encore du boulot pour eux. Cholet, par contre, ça va être compliqué maintenant, le maintien, et puis tous les autres sont concernés, hein. Ça va vraiment être une hécatombe dans ce championnat de national. Autre enjeu, c'est en Ligue 2, là aussi il y a beaucoup d'enjeux pour les remonter, avec notamment toutes les équipes pensant qu'on gagne, avec Saint-Étienne qui a gagné 1-0, ça a été juste, mais ça a été très important pour eux. Angers aussi qui a perdu des points, en revanche, qui a perdu 3 à Paris, au Paris FC, et qui du coup n'est plus deuxième, voilà, qui a 2 points de Saint-Étienne, donc attention. Et puis Auxerre en direct, pour l'instant, qui est mené 1-0 toujours à l'heure de jeu, et qui pourrait donc du coup voir Saint-Étienne rester à 1 point et être à 3 points d'Angers. Donc Rien n'est fait vraiment dans cette fin de championnat. Il reste encore 3 journées. Et puis en bas, Valenciennes, qui est quasiment condamné. On a Concarneau, Quevilly-Rouen, 3 qui jouent le maintien, même jusqu'à Dunkerque. Même si c'est, ils ont quand même un petit peu d'avance, mais normalement pour Valenciennes c'est déjà quasiment fini. Alors qu'ils ont gagné 2 fois de suite là, mais malheureusement ce sera un peu trop tard pour Valenciennes. Donc voilà la journée. Et puis Dunkerque, je le disais, donc du coup en cas de victoire ce soir, qui serait maintenu hein, normalement pour la fin de cette saison. Et puis terminons en Ligue 1 du coup avec cette journée qui nous intéresse. On va revenir juste un tout petit peu derrière avec les matchs de la semaine hein, qui étaient matchs de retard. Alors que ça a marqué en Espagne, Valence mène 2 à la mi-temps face au Barça. Voilà, pour l'instant, le Barça qui est en train de perdre. Genoa toujours 2-0. Dunkerque aussi toujours 1-0. Nîmes toujours 1-0 à la mi-temps. Et puis, voilà, donc pour les matchs en direct. Revenons donc un tout petit peu, je le disais en arrière, sur les matchs de la semaine. On avait Lorient-Paris d'abord, c'était mercredi, enfin tous les matchs d'ailleurs étaient mercredi, mais c'était à 19h, match qui était peut-être le match du titre, il fallait ensuite que Monaco ne gagne pas, Paris qui a fait le boulot hein, globalement avec cette victoire, c'était d'ailleurs la victoire sur le score de 4-1, voilà, avec notamment... deux doublés hein, pour Dembélé et pour Mbappé, voilà, qui a fait bon après face à Lorient, c'était assez logique hein, finalement hein, pour le PSG, en plus qu'il y avait pas d'Europe entre ce match-là, donc pas grand chose à dire, assez logique hein, finalement. Ouais, c'est logique. Après, ça, c'est toujours bien pour Dembélé de continuer sur sa lancée. Ça y est, il se m'a marqué, même si ça n'a pas forcément été le plus compliqué à mettre dans ce match-là, mais il les a mis, quoique le premier est beau. Ouais. Sa petite percée là, quand il dribble un petit peu tout le monde, en tout cas à l'entrée de la surface, et il vient bien placer sa frappe à terre. Voilà. Après le deuxième, c'est plus, voilà, il est tout seul devant le but, le gardien est battu sur une passe de Mbappé. Donc, et puis Mbappé, c'est bien aussi de le revoir un petit peu bien performé, voilà, faire des passes des, marquer un doublé. C'est vrai que on a eu pendant plusieurs semaines un Mbappé un petit peu plus fantomatique, timoré en tout cas, et puis aussi qui était peu utilisé parfois en championnat par Enrique. Donc ça fait du bien aussi pour Mbappé, je pense, mine de rien, même en championnat, même face à Lorient comme ça, de faire ce type de performance aussi. Donc oui, après globalement ça reste un résultat assez logique, mais ça reste bien pour ces deux individualités là. On avait encore ensuite Monaco-Lille, Monaco qui avait un gros enchaînement. Il y avait Brest le week-end dernier avec une victoire qui est importante. Et là, il y avait dit aussi qu'il fallait gagner pour rester vraiment bien installé deuxième. Donc victoire 1-0 seulement. Il a fallu attendre pour marquer. Ça s'est assez longtemps. C'est Fofana qui a délivré un petit peu Monaco avec une belle frappe un petit peu derrière, avant la surface. Une grosse frappe de Fofana et ça suffit pour gagner. Et qui a permis donc à Monaco à ce moment-là de vraiment s'installer à la deuxième place. Et puis on avait aussi un autre match important entre Marseille et Nice, vraiment pour là aussi l'Europe hein, pour tout le monde. Marseille, on savait fatigué, hein, qui avait eu un match long compliqué aussi face à Toulouse, et là qui enchaînait encore en plus en semaine face à Nice. Et il n'y a pas pu avoir mieux que ce match nul 2 partout. Avec aussi un Marseille à 10 en deuxième période qui n'a pas aidé beaucoup, évidemment, avec aussi pas mal de fatigue probablement accumulée. Et c'était encore un nul et encore quelques points précieux de laisser passer, quoi. Ouais, c'est ça, un peu comme tu dis, mais oui, forcément, l'expulsion a forcément joué. Il y avait un partout à la mi-temps, et puis voilà, Bagnac qui loupe son contrôle et qui prend un deuxième carton jaune en faisant faute. Et puis mine de rien, après on sort des vestiaires, il y a un penalty de Bameyang, donc je me dis bon, ça va être compliqué quand même de tenir ce score là, mais au moins voilà, même si on prend un but, on perd pas ce match. Et effectivement, on va prendre le but un quart d'heure plus tard de Melvin Barre, donc ça fait 2-2. Et puis là on a pas mal subi en fin de match, et forcément comme tu l'as dit, avec encore une fois beaucoup de fatigue. Après, notamment, le match retour contre Benfica et puis le match aussi contre Toulouse, comme tu as dit, qui a été assez long aussi. Donc, je me suis dit, bon, on va se faire crucifier, encore une fois, sur notre problème un petit peu pas de problème physique. Et puis au final, Aubameyang a failli, comme je l'ai dit tout à l'heure, mettre un troisième but, et un magnifique but, hein, où il part en contre-attaque tout seul. Il a encore une pointe de vitesse, mine de rien, même si lui aussi il est crevé. Voilà, il va toucher une pointe de vitesse, il va se présenter devant le gardien. Enfin, dribbler dans les défenseurs, se planter dans le gardien, faire une petite balle piquée, qui malheureusement va mourir sur la barre, du coup. Mais il aurait été magnifique, ce but-là, et puis il aurait été explosé le stade, et puis il aurait été super important, évidemment, au classement, hein. Actuellement, on serait sixième, si on avait gagné ce match-là, mais on va dire qu'on s'en sort bien dans l'état de forme actuel de l'équipe, et puis encore une fois, à 10 contre 11 pendant une mi-temps, quoi. Oui, mais c'est peut-être un point, finalement, de pris, ou plutôt que deux de perdu, quoi. Ouais, on va dire ça comme ça, mais mine de rien, quand il y a cette occasion-là, notamment, qui a été ratée, on peut aussi avoir quelques regrets, et puis encore une fois, sur le niveau de jeu de Mbanya, mais je vais pas m'étaler dessus sur 50 ans. Très bien, donc voilà, ça c'est l'image de la semaine. Ensuite, la trentaine journée, ça démarrait vendredi. On va essayer de faire assez vite, on n'a pas beaucoup de temps, donc on va essayer de faire vite. On va évoquer Montpellier-Nantes d'abord. Match pour le maintien, même si Montpellier a une belle avance, surtout pour Nantes qui était important. Pas de vainqueur, hein, partout. C'est Montpellier qui a d'abord ouvert le score assez très très très vite, d'ailleurs deuxième minute, et Nantes qui a égalisé très vite, septième, et puis plus rien jusqu'à la fin, jusqu'à deux cartons rouges d'ailleurs pour Montpellier qui a été qui peuvent faire mal pour la suite, hein, ces cartons rouges. Oui. Enfin, notamment Nordin. Ouais, c'est ça. En tout cas, bah, voilà, ça termine à deux jours en moins, mais c'est plus, voilà, Montpellier qui pour le coup n'a pas perdu deux points pour rien, enfin parce que en tout cas ils sont quand même bien au classement, en tout cas par rapport à la zone rouge, mais surtout pour Nantes là, il va faire un spot jusqu'au bout puisque il y a plus que trois points sur la place de barragiste, donc attention pour Nantes, il va rester encore en plus des trois gros matchs, donc pour Nantes, il va falloir vraiment s'arracher puisqu'il y aura vraiment là, Nantes, ils ont un calendrier de folie, hein, puisqu'ils ont eu Rennes la semaine dernière avec ce revers 3-0. Là, il y avait Montpellier, c'était un petit entre-deux, mais là il va y avoir Brest, il va y avoir Lille et il va y avoir Monaco. Voilà, tu joues les trois qui jouent la Ligue des Champions, donc c'est vraiment le scénario sur les quatre matchs, là il y a eu quatre clubs qui jouent l'Europe, donc c'est très très compliqué pour Nantes qui pourrait aller peut-être chercher. Bah, tout perdre. Ouais. C'est sûr. Mec, bon, pour la 17e place, il y a quand même un peu d'avance, il y a 6 points. Bah, pour la place de barragiste, il n'y a que 3 points, donc attention, il va y avoir 3 grosses rencontres à venir. Le PSG qui pouvait être champion face au Havre samedi, occasion manquée à domicile. C'est dommage pour le PSG, qui était même pas loin de perdre et qui a vu Ramos se égaliser en toute fin de match. Mais c'est dommage pour Paris, hein, qui aurait pu être champion à la maison, c'est toujours sympa, et même s'ils l'ont été hier, mais en tout cas ils l'ont pas fêté sur le terrain. Et en tout cas, bah, est-ce que c'est inquiétant ou pas avant le match de demain, de mercredi? Non, c'est pas inquiétant. Il y a quand même des joueurs qui potentiellement ne sont pas titulaires mercredi qui étaient là sur le 11 de départ. Je pense à Colomwani, peut-être à Asensio, peut-être aussi à Beraldo, à Navas évidemment dans les buts. Oui. Donc non, c'est pas navrant. Et puis encore une fois, même si c'était pas encore officiel samedi soir, c'était pas catastrophique si le PSG n'était pas champion dès samedi soir. Quoi. Non. Donc, en même temps, je pense qu'ils n'avaient pas non plus cette faim de loup. Enfin, c'est cette rage de vaincre, quoi. Donc voilà, même si Enrique a quand même fait trois changements à la mi-temps, mine de rien. Ouais, rare, oui. Ouais, il y avait 2-1 à la mi-temps pour le Havre, mais voilà, c'est pas pour autant que ça va être perdu, voilà, mais il y a quand même eu trois changements avec les entrées de Mayulu, de Kangeli et de Mbappé à la place de Dembélé, Asensio et Barcola, donc il y a quand même eu du turnover. Alors est-ce qu'il y avait une volonté de réaction d'Enrique ou est-ce que c'était plus pour faire du turnover pour mercredi, avec en une demi-heure mercredi. Je pense que c'était plus de ça plutôt qu'à tout prix aller chercher le titre dès ce soir-là, je pense. Je pense qu'on peut dire que le point très positif de ce match-là, pour moi, c'est l'entrée de Ramos. Oui. Mine de rien, qui on le trouvait de mieux en mieux déjà depuis plusieurs semaines, qui marque. Il a remarqué là d'une belle tête à la 62e. son deuxième à la 90+5, pardon, en toute fin de match. Son deuxième, c'est là où il est rentré. Et je crois que c'est lui qui fait la passe D sur pour Hakimi, je crois, il semble, sur le deuxième but parisien. Je crois que c'est lui qui fait la passe. Je ne peux pas te dire. Il me semble. En tout cas, oui, si, c'est lui. Une belle entrée de Ramos, qui est dans une bonne forme aussi. Et, alors, selon le format, encore une fois, ou le système qui sera mis en place par Enrique, est-ce qu'il va vouloir refaire un changement, comme il fait souvent, un peu entre chaque match? Ou est-ce qu'il va essayer de remettre la même équipe que à Montjuïc au match retour contre le Barça? Je sais pas, mais ce serait pas forcément. Ah, sinon, je sais pas, peut-être pas le faire débuter Ramos. Je sais pas. Je pense pas que Enrique va changer quelque chose en attaque. Je pense que ça va rester Dembélé à droite, Barcola à gauche et Mbappé plutôt en pointe, quoi, on va dire. Mais je pense que ça va rester comme ça. Mais ce serait pas déconnant de voir débuter Ramos, peut-être aussi, à voir. Bon bah réponse mercredi. En tout cas, pour le Havre, c'est deux points perdus qui auraient pu être super importants. Et il tenait vraiment une victoire très très importante. Et là, bah, deux points qui les laissent 29 points, donc à égalité avec Metz, qui est le premier qui est Paris. Donc c'est vrai que c'est deux points qui auraient pu vraiment vraiment compter pour le Havre. C'est dommage pour eux, mais trois partout. Donc en tout cas, beaucoup de buts dans cette rencontre. Hier, on avait pas mal de matchs, d'ailleurs, puisque tous les autres matchs étaient hier. D'abord, Lille, qui se déplaçait à Metz. Le premier des trois, deux, trois et quatrième à jouer pour rester au contact de la Ligue des Champions, en tout cas directement. Ça a démarré mal pour Lille qui avait vu Metz prendre l'avantage assez tôt, d'ailleurs 23e sur penalty, puis Lille qui est revenu en deuxième période et puis qui passait devant assez logiquement en fait, qui était vraiment plus dominateur et du coup ça permet à Lille de rester vraiment dans la course, on le verra, c'est toujours très serré et la Ligue des Champions elle est pas acquise mais elle est bien partie quand même pour Lille maintenant. Ouais, mine de rien, il y a quand même 4 points à 3 journées de la fin, 4 points devant Nice, donc c'est vrai qu'il faudrait un petit peu que Lille chute pour que ça il puisse perdre cette 4e place, en tout cas au minimum, mais ça a l'air plutôt bien parti. Je les sens pas non plus traumatisés de leur élimination au tir au but face à Aston Villa, donc c'est une bonne chose, hein, je veux dire, c'est pas un reproche, hein. Mais au contraire, je pense qu'ils ont été plutôt fiers de ce parcours-là, et du coup ils font quand même encore le job en championnat aussi, même si c'est vrai que Metz a posé un petit peu des problèmes en première période, mais Metz s'est un petit peu effacé, même carrément effacé en seconde période, donc voilà, lui il a pu tenir le score en seconde période et voilà, faire un petit peu le minimum. On n'a pas vu un gros LOSC non plus, mais le principal a été là avec les trois points là, et c'est vrai que voilà, s'ils gagnent, je pense, le prochain match, je pense que la Ligue des Champions elle est presque acquise. Ouais. Alors il va y avoir un calendrier qui va pas être, mine de rien, assez simple. Il y aura Lyon ce week-end, Lyon, ouais, qui se bat toujours. Il y aura Nantes ensuite, on le disait tout à l'heure, qui joue le maintien, et il y aura Nice pour finir, qui, ça se trouve, sera un match vraiment en jeu pour finir, hein. On ne sait pas ce qui se passera là, mais ça peut être un match vraiment coup près pour finir. Donc voilà le calendrier qui attend les Lillois, alors que Auxerre mène 3 maintenant. Ça s'est vraiment inversé, cette rencontre qui est passée devant en l'espace de 5 minutes et qui a l'air vient de remarquer un troisième but, donc 3-1 pour Auxerre là, qui ferait un grand pas vers la Ligue 1 avec ce succès, puisqu'il y aurait 6 points d'avance sur Angers et avec 3 matchs à jouer. Donc c'est vraiment pour l'instant un super résultat. Valence mène toujours 2-1 à Barça, Genoa mène toujours 3-0 face à Cagliari, et Nîmes mène toujours 1-0 face au Red Star, match que tu suis bien sûr toujours. On enchaîne avec Nice, l'un des autres clubs qui joue aussi l'Europe et pourquoi pas avec des champions, on nous le disait à l'instant. Et Nice qui fait encore le job face à une équipe de Strasbourg qui est pas tout à fait à l'abri, mais qui est quand même pas si mal. Victoire à 3, donc 3-1. Alors c'est Strasbourg là aussi qui avait fait qui avait ouvert le score, et voilà, les Niçois qui sont revenus bien mieux en deuxième période, un peu à l'image du match de Lille en fait, finalement, et Nice qui est toujours bien installé à 5e place. Pour la Ligue Europa, c'est bien parti, hein, on va pas se cacher. Pour la Ligue des Champions, on en a parlé à l'instant, c'est encore tout jouable, et pourquoi pas faire une fin de saison canon pour Nice. C'est ce qu'il faut pour eux. c'est ce qu'il faut. Après, voilà, c'est vrai qu'ils se sont fait plutôt dominer, comme tu l'as dit, à l'image du match d'avant, mais ils sont un petit peu dominés par Strasbourg, ouais, en première période, et il faudrait maintenant essayer de jouer 90 minutes avec le même état d'esprit qu'en seconde période, finalement. Oui. Je sais pas c'est quoi la suite pour Nice pour les trois dernières journées. Alors, à part la dernière du coup contre Nice. Ouais, il y aura Le Havre du coup. Et puis il y aura le Paris, donc c'est pas facile non plus pour Nice. Hein. En fait, pour personne en haut, c'est simple. Hein. Non. On va le voir après avec le reste des équipes, mais ça a l'air d'être très compliqué pour tout le monde. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est vrai que on pourrait anticiper vraiment sur qui sera là à quel moment. Enfin voilà, donc c'est vrai que ça peut encore bouger comme pas tant que ça. Donc c'est assez impronosticable pour l'instant, mais c'est vrai que ça va être compliqué pour un petit peu tous ces 7-8 premiers là. C'est ça. 7 premiers, ouais. Ouais. Clermont-Reims, moins d'enjeux pour Reims, mais pour Clermont aussi. C'est pourquoi pas encore espérer aller au moins chercher le barrage, même peut-être le maintien direct. 3 points en tout cas importants de prix face à Reims. Bon voilà, qui joue, ça y est, plus rien maintenant. Reims, hein, 40 points. Maintenant, ça va devenir très très compliqué d'aller. Ils ont trop dégringolé là, c'est vraiment sur les dernières semaines. Là, 3 défaites consécutives. Même si finalement la 7ème place n'est qu'à 4 points, mais il y a quand même pas mal d'équipes entre les deux, donc ça me semble vraiment compliqué maintenant d'aller chercher quelque chose. Et donc là, largement battu en plus par Clermont 4-1, qui du coup revient à 4 points de la place même du maintien, qui est à la 15ème avec Le Havre. Donc clairement qui veut vraiment se donner les moyens jusqu'au bout. Et ça peut être un match un petit peu déclic, hein. Une victoire comme ça assez nette, ça peut être un déclic. Je t'avance que ça va être quand même compliqué. Monaco, Lyon et Lorient à jouer. Voilà. Donc Monaco et Lyon. Après, si voilà, il y a Lorient aussi pour finir. Si les autres ne gagnent pas, ça peut aussi encore être possible. Mais il y a déjà 2 sur 3 qui sont compliqués quand même. Donc ça va être. Ouais. Et puis il faudrait que tout le monde perd. Enfin. Ouais. Il faudrait que tout le monde ne prenne pas trop de points à côté. Ouais. Non, c'est vrai que ça va être compliqué. Mais c'est tombe jamais. C'est tombe jamais. Lorient battu à Toulouse, face à Toulouse. Donc 2-1, Toulouse c'est pareil, c'est un peu comme Reims. Hein, même si là il y a une belle enchaînement, ils n'ont pas perdu sur les 5 dernières rencontres. Mais il y a toujours aussi 4 points de retard et sur les possiblement la 7ème place. Et il y a des équipes quand même entre les deux. Et pour Lorient, voilà, il y a toujours 3 points de retard. Donc tout est jouable encore. Il va falloir vraiment être à fond et c'est pareil, le calendrier de Lorient il est pas mieux, hein. Il y a Lens, il y a Marseille et il y a donc Clermont, donc finalement pour les deux derniers le calendrier est catastrophique pour ces deux là alors que je crois qu'on l'a pas dit, mais pour Metz il y aura, c'est pas simple non plus, hein, il y aura Rennes, Strasbourg et Paris, donc pour toutes ces équipes ça va vraiment être compliqué, ça se trouve ça va pas bouger en fait le classement. Et Le Havre qui aura pas beaucoup plus de chance, hein, parce que là il y aura Strasbourg, mais il y aura ensuite Nice et Marseille. Ouais. Voilà. Donc les 4 derniers, ils ont vraiment les calendriers un peu similaires avec des 2 sur 3 gros matchs. Donc c'est celui qui s'en tirera le mieux peut-être parmi ces 3 derniers matchs. Et puis comme on l'a dit avant, Nantes qui est encore juste au-dessus, c'est Brest, Lille, Monaco, comme on l'a dit tout à l'heure aussi. En fait, tout bas de classement. Nantes, c'est encore presque pire, mais finalement, Nantes, ce qu'ils peuvent se dire, c'est que, ok, on a 3 gros matchs, mais les autres, c'est pareil, hein, finalement. Oui, c'est ça. C'est pour ça que Nantes a peut-être un petit avantage, forcément, avec ses 3 points de plus que Metz et Le Havre, mais en plus, c'est vrai que toutes les équipes derrière vont avoir des gros matchs de fou aussi. Donc, c'est ça. Ouais. Passons au match fou du week-end en Bretagne entre Rennes et Brest. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas vu un match pareil avec autant de buts. Victoire 5-4 de Brest. Qui ça y est officiellement sera européen et peut-être même carrément avec des champions, même si c'est pas acquis, mais c'est bien bien parti quand même. Et match fou, hein, Rennes qui a laissé passer une belle occasion, hein, vraiment de revenir tout simplement sur la 7ème place et pour l'instant d'être installé à proximité de Lens, 6ème, mais ils se sont fait rejoindre vraiment dans la dernière seconde, mais fou le scénario j'arrive pas à me rappeler si c'était un Lyon Montpellier, dernier match un peu similaire et ben ouais, c'était celui qu'on on a parlé il y a pas longtemps, oui. Ouais, où il y avait où Lyon a remonté 4 buts, ouais, c'est un truc comme ça, ouais. Ouais, ça peut être ça, il y a eu 5-4, ouais. Donc ouais, puis ben, puis en fait, donc 5-4 pour Brest, et il y a eu 21 tirs à 10 pour Rennes. Ouais. Donc sur 10 tirs brestois, il y en a eu 5 cadrés. C'est quand même 5 cadrés, 5 buts. C'est pas mal. Il y a un CSC dans le lot, dans les 5 buts de Brest, mais ouais. Mais quand même. Bon ratio. Donc, quand même, ouais. Enfin, c'est pas trop mal, 4 buts quand même en 21 tirs, mais c'est bien quand même. Oui, oui, mais 4, ça, en fait, quand tu marques 4 buts, tu dis ça suffit pour gagner, mais pas cette fois. Et ça, le match pour les défenses, quoi. Ouais, là, pour le coup, hein, c'est clair. Ils sont pas, les attaquants étaient à la fête, mais pas les défenses. Et pour Brest, c'est une victoire très, très importante. Pour Rennes, voilà, c'est, on va en parler, mais avec les victoires de Marseille et de Lyon, c'est du coup un très, très mauvais résultat. Et ils se retrouvent distancés et avec beaucoup pas mal d'équipes entre eux et l'Europe. Hein. Donc vraiment mauvais résultat pour Rennes, mais match vraiment de folie. Autre match où il y a eu du spectacle entre Lyon et Monaco. Pour l'un, c'était la possibilité pour Lyon donc de se rapprocher encore un peu plus de l'Europe. Hein. Ces dernières semaines, on en parlait. Là, c'est encore plus que d'habitude le cas. Et pour Monaco, après avoir vu Brest et Lille gagner, il fallait absolument gagner aussi pour vraiment conserver cette belle avance. Match quand même avec pas mal d'enjeux, hein, 3-2. Et voilà, Ben Yedder qui était encore bien bien présent côté Monaco, qui a même pensé donner la victoire à Monaco, mais avec un but refusé pour hors-jeu. Et puis c'est Fofana, le jeune Lyonnais, qui du coup va permettre à Lyon de prendre 3 points très importants. Là c'est clair maintenant puisque ils sont vraiment à portée de Lens, donc voilà, pour Lyon ils vont vraiment jouer le coup jusqu'au bout, hein. Il y aura plus cette finale de coupe, donc Lyon plus que jamais, hein, vraiment est un candidat à l'Europe maintenant, ça y est, hein. Ouais, mais c'est quand même assez fou la remontée qu'ils ont faite, hein. Ouais. depuis décembre, depuis janvier, c'est vrai que c'est assez dingue, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de médias, journalistes qui en parlaient, que j'écoutais aussi, c'est vrai que je crois qu'il n'y a, ouais, a pas eu d'exemple de remontée comme ça, d'équipe qui était relégable en décembre et qui potentiellement peut finir européen, en tout cas en fin de saison. Ils ont perdu que 4 matchs sur la deuxième partie de saison, ouais, c'est fou. Hein. Ouais, c'est encore fou, face à Paris, face à Lens, face à Rennes, face à des grosses équipes quand même à ce moment-là. Ouais, quand même. Et puis avec un entraîneur à la base inconnu au bataillon, quoi. Enfin, quand même, Pierre Sage, quoi. Oui, bien sûr. Ouais. Ce mec-là, il a un petit peu, entre guillemets, sorti de nulle part. En tout cas, il n'était pas sous les projecteurs comme ça. Donc, c'est aussi louable, mine de rien. Mais voilà, rien n'est fait. Après, c'est vrai qu'ils sont apportés de Lens, qui est 6e, mais aussi potentiellement donc, de cette 7e place aussi. J'espère pas, en tout cas pour Marseille, mais en tout cas qu'on ira à la 6e place. Mais c'est vrai que tout est possible pour Lyon. Et puis même là, la finale de la Coupe de France qu'ils peuvent essayer de gagner, bien évidemment, contre le PSG. Oui, tout donc, est possible. Ouais. Donc tout est possible pour eux. Ils ont encore quand même pas mal de cartes entre leurs mains, quoi. C'est ça. Donc on peut regarder le calendrier de Lyon pour les 3 derniers matchs. Donc il y aura Lille, on l'a dit dimanche. Il y aura Clermont. Il y aura Strasbourg. Donc ça, un peu plus simple normalement. Et en fait, il y aura enfin cette dernière rencontre face à Paris pour les Lyonnais. Donc voilà, tout est comme tu disais, tout est jouable. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais Brest, c'est vrai, on en parlait de calendrier un peu tout le monde, mais Brest recevra Nantes, on l'a dit aussi, recevra Reims et ira à Toulouse. Donc pour Brest, le calendrier est plutôt favorable. Voilà, et pour Rennes aussi, on peut en parler aussi. Pour Rennes, il y aura Metz, Lens et Reims. Voilà pour un petit peu la fin de saison de Rennes. Et puis pour Monaco, donc le dernier des concernés pour la Ligue des Champions, il recevra Clermont, il y aura Montpellier et il recevra Nantes. Voilà, donc Nantes peut-être d'ailleurs qui sera déjà maintenu, on saura un peu plus. Mais Clermont et Montpellier, pour Monaco aussi, le calendrier normalement est favorable pour vraiment rester accroché à cette Ligue des Champions. Voilà, et idéalement deuxième ou troisième pour éviter ce barrage, hein, qui est compliqué à jouer chaque saison. Et puis enfin, on termine avec donc Marseille-Lens qui clôturait cette journée. Après deux matchs nuls consécutifs en Marseille, cette fois c'est la bonne victoire. Et on a encore failli retrouver le même scénario d'aller encore chercher un nul. Hein. C'était pas loin. Hein. Non, c'était pas loin. Hein. C'est vrai que j'ai une petite sueur froide quand il y a eu l'égalisation de Wesley Saïd à la 77e. Mais il y a eu une bonne réaction de Pape Gueye à la 85e qui est venu marquer ce deuxième but pour l'OM et qui a fait beaucoup de bien, évidemment. Et donc, enfin, voilà, Marseille, avec nos joueurs qui sont souvent vraiment à bout physiquement. Je pense notamment à Veretout ou encore Aubameyang, que l'on voit à chaque fois tirer la langue déjà à leurs deux jeux quasiment, et qui au final font tout le match quoi. Alors c'est pas une critique hein, c'est parce qu'en même temps il n'y a pas une grosse profondeur de banc en ce moment, et puis surtout quand t'es égalisé à la 77e, t'es bien content d'avoir toujours un Aubameyang ou un Veretout qui peuvent toujours te lancer un petit éclair de génie. Pour le coup là c'est Gueye qui a été réaliste là-dessus sur le deuxième but. Mais et voilà, après il y a aussi pareil, je l'ai pas dit pour le match contre Nice de la semaine dernière, mais c'est vrai que le retour de Klaus a fait du bien aussi depuis son retour de blessure. Donc c'est un joueur qui rapporte vraiment un plus forcément et qui nous a permis aussi ça, même s'il est sorti Klaus à la... T'as combien Klaus 79e minute. Donc c'était à un partout. Mais voilà, ouais. Belle victoire de l'OM quand même, mine de rien, même si là on a plutôt dominé ce match. Après ils ont plus su le ballon. Mais ouais, c'est vrai que ça a manqué de tranchant encore une fois aussi dans le dernier geste. Et notamment Wai aussi, hein, pour le prix qu'il a été acheté quand même pour Lens. C'est vrai que il n'aura pas été non plus une grande satisfaction cette saison non plus pour Lens, quoi. Oui, c'est clair. Et je sais plus combien de buts il a marqué, mais. Dans la saison, mais c'est pas assez pour moi selon son prix d'achat. Et puis il y a neuf buts pour l'instant, ouais. Ah, c'est pas assez, c'est pas suffisant, ouais. En fait, ce calibre là en Ligue 1, enfin c'est censé être un bon attaquant de Ligue 1 qui a été acheté 35 millions, si c'est trop, ouais, 35 millions je crois. Non, tu dois mettre un petit peu plus quoi, et puis voilà. Donc toi, victoire super importante, ça permet de revenir à 2 points de Lens. C'était un peu la dernière chance, hein, un nul ou une défaite, et la sixième place était quasiment envolée. Et il y avait encore la septième place possible, mais on sait qu'elle n'a pas la même saveur. Et là, la sixième est vraiment plus que jamais à porter. Maintenant, il reste encore une fin de saison qui va être éprouvante, et bien sûr, puisqu'il y aura jeudi donc Bergame, il y aura la chance de pas rejouer tout de suite en championnat et d'avoir encore un week-end off. Et ensuite, on aura de nouveau le match retour. Et puis, il va falloir enchaîner trois matchs en une semaine, hein, puisqu'il y aura le 12 mai, il y aura donc Lorient. Ensuite, le 15, donc il y aura Reims. Et enfin, le 19, il y aura le Havre. Donc, trois matchs en 7 jours. Bon, après, c'est pas les plus grosses équipes, hein, Lorient, Reims, le Havre. Ça peut profiter à Marseille. Mais dans le même temps. Donc on a parlé du calendrier de Lyon et Lens aura donc Lorient, Rennes et Montpellier. Voilà un petit peu ce qui attend les Lensois. Voilà donc sachant que Marseille aura donc ces deux matchs-là de Ligue Europa, peut-être un troisième, on espère, mais qui sera quoi qu'il arrive après la saison de toute façon. Hein, donc même s'il y a une finale, elle aura plus voilà, en tout cas elle sera bien après. Et puis s'il y a une finale, ça veut dire qu'il y a une Ligue des Champions possible du coup. C'est vrai. Et ouais, ça faut pas l'oublier, hein. C'est que du coup ça permettrait, même si tu termines sixième ou septième, si tu gagnes la Ligue Europa, tu vas en Ligue des Champions, et du coup on réintègre une huitième équipe possiblement, puisque Paris gagne aussi la Coupe de France, ça va encore rajouter une équipe, donc ça pourrait donner beaucoup de qualifiés en France pour les Français l'année prochaine. Et si Paris gagne la Ligue des Champions ? Et Paris se qualifie. Est-ce que ça redonne une place ? Alors peut-être pas la France, du coup peut-être un autre pays. Oui, je pense que Pays-Bas ou Portugal. Oui, je pense que ce sera pas pour nous parce que on va pas non plus avoir 10 clubs en Ligue des Champions au bout d'un moment. Mais. Non, mais tu sais quand tu vois que du coup tu me l'as appris la semaine dernière, mais quand tu vois que l'Italie vont potentiellement en avoir 5 du coup. Ils en ont 5. Ouais. Ouais, bien sûr. Voilà, donc à un moment c'est un petit peu illusoire aussi quoi. Enfin, oui, non, mais oui, c'est. Mais oui, s'il gagne, non, ça ne donnera pas une place supplémentaire, mais si Marseille gagne, oui, là, ça en donnera une, pour le coup, une place en Ligue Europa supplémentaire pour donc voilà, ça aura beaucoup d'importance, donc on en reparlera bien sûr. À ce moment-là, très bien, les pronostics qu'on le disait, donc retour un petit peu sur le match de la 29e journée, match de retard, donc 4-1. Voilà, score final. Et puis donc la 31e journée, guère mieux, 4-2. Pour moi du coup. Donc pas brillant encore. Non. Les semaines se suivent et se ressemblent, j'ai l'impression. J'ai pas envie de communiquer là-dessus. Non, voilà. Pas de commentaires. Non. Est-ce que ça bouge en Ligue 2? Non, toujours 3-1 pour Auxerre. Ça va rester peut-être comme ça. En tout cas, il reste plus beaucoup de temps. Valence, Barcelone qui a égalisé par le Lewandowski, donc 2-2 entre le Barça et Valence. Le Genoa mène 3-0. Ça va, voilà, il reste quelques secondes. Ça va s'arrêter là-dessus. Et puis Nîmes mène toujours 1-0 face au Red Star. Pour l'instant, succès important. Pronostiquons la journée numéro 32. Et oui, on est bientôt à la fin. Alors une journée un petit peu particulière, vous allez voir. Déjà, on est parti pour les matchs. Alors c'est pas ça du tout que je voulais lancer, c'était ça. Voilà. On commence avec vendredi. D'abord, il y aura deux matchs vendredi. Ce sera d'abord à 19h Toulouse Montpellier. Toulouse 10e, Montpellier 12e. Bon, pour Toulouse, le maintien est assuré, hein, voilà, on va pas se cacher, il y a 11 points d'avance sur la relégation et il reste 3 matchs, donc le calcul est vite fait. Toulouse, c'est fait. Pour Montpellier, il y a 8 points d'avance, mais voilà, c'est quasiment fait. Et à ce titre-là, je vais mettre match nul, moi. Bon, je vais mettre Montpellier, moi. Et pour quelle raison? Pourquoi pas? Pourquoi pas, d'accord, c'est une bonne réponse. À 21h, toujours en rien, on aura Lens-Lorient. Lens 6e, Lorient 17e. Je vais mettre Lens. Je vais changer, je vais mettre Toulouse. Ah, ok. Je viens de me rappeler qu'il y a eu deux exclusions quand même, Montpellier. Ah, c'est pas mal. Après Toulouse, ouais. Ils ont vraiment rien à jouer. Hein. Mais bon, pourquoi pas. Et Lens-Lorient du coup Lens-Lorient... Ah, la logique veut quand même que Lens fasse le job. Après, ah oui. Une fois dans ce sprint final et le maintien, on ne sait jamais vraiment. Voilà. Je tente le match nul. Allez, bah écoute, c'est peut-être un risque payant. Samedi, on aura tous les autres matchs quasiment. T'as mis quoi? T'as mis Lens, toi? Moi, j'ai mis Lens, ouais. Samedi, on aura la plupart des autres matchs, puisque dimanche sera un jour, une journée sans match, puisque le dimanche 5 mai, on ne joue pas football en France pour le souvenir de Furiani. Donc, il n'y aura pas de match dimanche. Donc, c'est samedi pour la plupart des matchs. On aura d'abord à 15h Le Havre-Strasbourg. Le Havre 15h, Strasbourg. Le Havre 15e, 15h, ouais, c'est 15h et 15e d'ailleurs. Et Strasbourg 13e. Pour Strasbourg, le maintien est en bonne voie. Pour le Havre, plus que jamais, il va falloir se battre. Je vais te laisser pas le premier, je sais pas trop quoi mettre là-dessus. En réalité, ouais, je savais pas trop quoi mettre non plus. Après, j'ai quand même vu une équipe de le Havre généreuse au parc samedi, donc je vais quand même tenter le Havre. Oui, et ben écoute, je vais te suivre à domicile, ça me paraît un choix payant. Ouais. Pour Strasbourg, il y a eu deux défaites consécutives. Ouais, je pense que je vais rester là-dessus. À 17h, on aura Monaco Clermont. Monaco 2e, Clermont 18e et dernier. Moi, je vais mettre Monaco. Ils ont plus le choix, Monaco. Ouais. Il faut tout gagner là. C'est ça aussi. Après, j'avais dit. Pourquoi pas, même si le calendrier était compliqué pour Clermont, une victoire 4-1 contre Reims, ça pouvait peut-être leur faire un petit déclic, mais ouais. Ah, je vais dire Monaco quand même, je vais pas essayer de jouer là-dessus. À 19h, on aura Metz 16e, Rennes 9e. Moi, je vais penser que Rennes va gagner. Ils veulent vraiment tout donner. Après, le Metz, c'est pareil, hein, c'est un peu comme le Havre, on en a parlé à l'instant, mais je pense que Rennes n'a plus le choix là. C'est vraiment espéré. Tu mettrais aussi, ouais. Ouais, allez. À 21h, Brest-Nantes. Brest 3e, Nantes 14e. Moi, je vais tenter Brest encore après le match de fou là, hier. Je pense qu'ils sont sur la bonne dynamique là pour finir en fanfare. Donc, je vais mettre Brest. Moi, je vais mettre un match nul. Ah, c'est pas mal aussi, ouais. C'est pas mal, ça. Ensuite, donc, pas de match dimanche, lundi. Il y aura Lille-Lyon. Donc, Lille, 4e, Lyon, 8e. Belle affiche, là. Ouais, c'est clair. Moi, j'ai envie de mettre match nul. Je sais pas trop quoi mettre là-dessus. C'est, tout est possible, donc. Ouais, c'est clair. Je pense que je vais partir là-dessus. Ouais, je sais pas du tout quoi mettre. Alors, du coup, celui-là, parce que du coup, ça va pas rejouer après. Voilà. Est-ce que celui-là, on fait le score exact ou pas? Non, je pense qu'on va attendre les matchs de retard de Paris, de Marseille. Et qu'on mettra comme pour les autres, pour la semaine dernière, les scores des deux. Là, on tentera de grappiller des points. Très bien. Pas simple, à Lille-Lyon. Bah, Lille, s'ils veulent tenir la cadence. Alors, pour Lille, l'avantage ou pas, c'est de jouer après Monaco et après Brest. Donc, tu sais vraiment ce que tu as à faire. Hein. Et ça peut avoir un petit avantage. Après Lyon, ils sont sur comme une belle dynamique et ouais. Et puis ils joueront avant Marseille, donc ça peut aussi mettre la pression à Marseille. Donc justement, alors je sais pas ce que j'ai envie, mais je vais quand même mettre Lyon. Allez, pourquoi pas. Et puis du coup, eh bien Nice Paris et Reims Marseille, ce sera le 15 mai, hein, pas avant ce report. Donc on en avait parlé, ce sera lors de la dernière semaine de championnat en fait. Il y aura deux journées en semaine pour Marseille et pour Paris. Donc bah, on pronostiquera ça d'ici là. On va laisser passer tout ça et voir ce que ça donne. Et on pronostiquera ça du coup le 13 mai. Voilà, deux jours avant. Voilà, bah, écoute, on va déjà voir tout ça, ce que ça nous donne. Et on va clôturer l'émission. On est presque bien, 22h41. On est dans les soirs où on termine le plus tôt, hein, quand même. On n'est pas trop mal. On est pas trop mal. Cette semaine... Qu'est-ce qui se passe? Bah évidemment, déjà demain, ça démarre très très fort avec ce match aller de la demi-finale de Ligue des Champions. Ce sera donc demain 21h, Bayern-Real Madrid. Donc demain, mercredi, place à Dortmund-Paris. Voilà, donc à Dortmund, match aller. Voilà donc, ce qui nous attend, donc mardi, mercredi. Jeudi, évidemment, on sera aussi devant la télé pour l'Olympique de Marseille qui va recevoir l'Atalanta Bergame donc à 21h jeudi. Ce sera sur M6 hein, cette rencontre. Et dans le même temps, on aura Aroma Bayer Leverkusen, là aussi belle affiche. Et puis on aura aussi les demi-finales de la Conference League. Donc jeudi aussi à 21h, notez donc Aston Villa Olympiakos et Fiorentina Club Bruges. Et puis bah, vendredi, bah, c'est reparti pour la Ligue 1, vendredi samedi. Voilà ce qui nous attend. Et puis la Ligue 2 aussi, nationale aussi, évidemment. Et puis à l'étranger, on a parlé tout le calendrier, tout ce qui nous attend ce week-end. Il y a plein de choses encore. On n'a pas trop parlé quand même. On n'a pas trop évoqué cette demi-finale. En fait, on a parlé des clubs qui allaient jouer quand même avec le Real, avec. Oui. Oui, en fait, on a parlé individuellement des clubs hein, dans les championnats, donc voilà, le Real, le Bayern. Paris et Dortmund. Parce que j'avais une petite stat, alors pareil, j'ai encore plus le chiffre exact en tête parce que je vois tellement de trucs avant en préparant l'émission, mais c'est que la plupart du temps où le Bayern et le Real se sont rencontrés dans le dernier carré comme ça ou en quart de finale de Ligue des Champions, un truc comme ça, à chaque fois le vainqueur allait au bout. Genre en 2000, c'est le Real qui gagne, qui élimine le Bayern en demi, je crois, le Real gagne la Ligue des Champions. En 2001, le Bayern et le Real se re-rencontrent en demi-finale aussi, je crois. C'est le Bayern qui gagne. Et 2002, pareil. Alors, je crois que c'est demi-finale ou quart de finale, mais je crois qu'à chaque fois, c'est les demi, peut-être. Le Real gagne, évidemment. Bah, 2002, on connaît. Hein, c'est la finale où, avec la reprise légendaire de Zidane contre Leverkusen. Et puis, c'est pareil. C'est re-arrivé en 2014 ou 15. C'était re-arrivé en 2012, un truc comme ça. Mais c'est une stat qui était assez intéressante. À chaque fois, souvent, le vainqueur de cette rencontre-là, dans le dernier carré, en tout cas, c'est le vainqueur de la compétition. Donc voilà, c'est qu'une stat, voilà, mais c'est. Mine de rien, ça arrive souvent. Bon, bah écoute, on espère que ça va se reproduire, mais. Bah non, du coup, pour le PSG. Ça peut. Donc voilà, le football toute la semaine. On aura les demi-finales en rugby des Coupes d'Europe. Donc là, ça concerne Toulouse pour la Champions Cup et ça concerne Clermont pour la Challenge Cup, donc ils seront dimanche et samedi respectivement pour ces demi-finales. On aura La suite et la fin du tournoi de Madrid cette semaine en tennis. Rafa Nadal est toujours présent, hein, qui est qualifié pour les huitièmes de finale et qui jouera demain pour tenter de poursuivre l'aventure à domicile d'aller chercher peut-être, pourquoi pas, même un titre cette saison. Il y a quand même du lourd d'ici là, donc il faudra déjà jouer et gagner demain. Ça, c'est pour donc le tennis. En basket, un match important pour Orléans qui sera samedi soir à domicile face à Boulazac, troisième. Donc Comet Arena pour cette rencontre, pour essayer d'aller chercher une belle victoire. Dans les autres championnats, en Euroleague, quart de finale, ça continue avec le troisième match de la série pour Monaco. Et en NBA, les playoffs continuent, bien sûr. Et en handball, Saran aussi qui va essayer de récolter encore une victoire. Ce sera à domicile dimanche face à Montpellier au Palais des Sports. Pourquoi pas poursuivre avec une deuxième victoire de suite. Voilà ce qui sera l'enjeu pour Saran ce week-end. Ça va être dur quand même face à Montpellier, mais sait-on jamais. Et puis retour de la Formule 1, Grand Prix de Miami dimanche pour la cinquième, sixième étape de la saison. Après 5 victoires sur 6, ou 4 victoires sur 5 pour Max Verstappen. Voilà ce qui nous attend toute la semaine, donc encore pas mal de choses. Et les directs sinon qui se terminent. Donc Auxerre qui a gagné 3, hein, ça y est, c'est fini. Face à Dunkerque, belle opération comptablement parlant, puisque Auxerre prend 4 points d'avance sur Saint-Etienne 2ème, mais surtout prend 6 points d'avance sur Angers 3ème avec 3 matchs à jouer, donc il se rapproche encore un peu plus d'une remontée en Ligue 1 des Auxerrois. Donc belle victoire encore une fois. Le FC Barcelone face à Valence 2-2, il reste un quart d'heure. Voilà, si vous voulez suivre cette fin de rencontre, ça se passe sur Beansport 2. En Italie, c'est terminé où Genoa a battu Cagliari 3-0. Et puis en National, Nîmes mène toujours 1-0 face au Red Star. Il reste un peu plus de 5 minutes. Et pour ça, c'est Canal Plus Foot si vous voulez voir la fin de cette rencontre. L'enjeu pour Nîmes, pour Red Star un petit peu moins. Donc il y a encore peut-être des choses à jouer dans cette fin de rencontre. Voilà pour le programme de cette semaine. Donc, vous avez compris, plein de belles affiches qui nous attendent demain, mercredi, jeudi, football. Donc, on va se régaler encore, je pense, sur ces 3 jours, sur ces 3 soirées. On se quitte avec un dernier son que tu normalement nous as préparé, tout bien en amont, évidemment, comme d'habitude, j'imagine. Le temps pour moi de vous dire que la semaine prochaine, on sera bien sûr présent. 20h30 jusqu'à 22h30, un peu plus. Il y aura un gros débrief, hein. On sera peut-être pas en avance, on sera peut-être pas à l'heure la semaine prochaine, mais voilà, donc rendez-vous encore une fois lundi à 20h30. On y va pour le dernier titre du coup ce soir, qui sera ce sera un petit remix sympa. Ce sera Thank You de DJ Abdel, Mister You et Francisco. Oh bah allez, très bien, ça c'est parfait pour terminer. Eh ben, on termine avec ça. Bonne soirée à vous, du coup, bonne semaine. Et c'est en vacances, profitez-en, c'est la dernière semaine. Et pour les autres, bon courage. Et puis, merci Hugo, on se retrouve lundi. Ça marche, à la semaine prochaine. Et puis, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Bah, portez-vous bien et vive le sport. Ciao, ciao. Ciao. Yo, quoi, Mystery, comment tu vas à la femme? J'ai un petit service à te demander. Alors tu vois, y'a une petite meuf dans 19, je lui laisser les clés du tour roi, mais je sais pas, je lui fais plus confiance, te plaît, récupère-les pour moi. Dès que tu les as direct tortis, tu les passes à Abdel. Pour lui, les passes à souris, car lui seul sait où se trouve l'hôtel. Où est planqué là, ce qui ensuite, tu me le passes au thé. Lui me dira si c'est ok, si t'en es tous les bordels. Puis, appelle Nabil et récupère mon disque dur. Ensuite, passe à Belleville, demande le numéro de que dur. Appelle-le, il comprendra, du coup, moi j'ai des courbatures, mais que le collier a été livré, classé coulique à la voiture. Hey, c'est bon, t'as tout capté, hein. Ok, je t'occupe de tout, tu t'occupes de rien. Ça me dérange pas, moi j'aime bien. Ruka, ta, ga. Je me réveille, c'est pas le vrai. Nous là dans les yeux, je me tire et je roule en sphère. Je suis dans le coltard, ouais, je plane dans les airs. Comme d'hab, y'a rien à faire, la misère, la galère. J'ai mal aux dents, je me les brosse et me fais un bon touche. Hachette, je fais yesh et je tape une bonne touche. J'suis pour la liberté, ah touche. Y'a que l'entraîneur qui a le droit d'être fier d'être son grand touche. Les minuit pile, il va falloir quitter la ville. La volonté, champagne et sky. Soir, son vomi de la ville, j'ai leur lamine, ça me dérange pas, moi j'aime bien. Quand je vais en Afrique avec du fric, je pourrais claquer, je sais pas combien, je veux voir toutes les mains en l'air. Soir, ce c'est la guerre, le fils de la pute molaire. L'infection est pulmonaire, car je fume trop dit la raquette. Direction Marrakech, les frères qui m'aiment me suivent, ceux qui m'aiment pas garder la pêche. Nem pensar em Singapura, que aquilo tu não vês uma beata no chão. Podes porcar aquilo. Sai logo um polícia aqui de trás de uma árvore e prende-me aqui. Sim.